Hey les gars, j'ai breaking news de Jérémy Filosa sur Twitter qui dit: après un point de presse très tranquille, Price disparaît dans le couloir du vestiaire et crie avec tous ses poumons: fuck! Fait que Price est en tabarnak en ce moment. Ben bon, je veux de l'émotion. Ah, si, pendant qu'on podcast, il y a JC Lajoie qui reçoit José Lito Michaud dans son VR. Ah, il essaie de nous faire compétition. Calice. On a plus de bière que toi, JC. Hey, c'est pas prendre un train, c'est prendre un VR. Non, mais qu'est-ce que José Lito Michaud connaît au hockey? Non, c'est parce que. Qu'est-ce que JC Lajoie connaît au VR? En direct des studios Young Media, vous écoutez l'épisode 13 de la saison 2014-2015 de la soirée du podcast. L'alignement de départ pour le match de ce soir. Le numéro 75, JF Chrome. Le numéro 21, Dave Thibodeau. Le numéro 24, Mart Vero. Et fuck le numéro you. 31, JF Mallette. Fuck! Collis! Alors, pour ceux qui nous écoutent en direct, ben vous savez ce qui s'est passé ce soir. Tabar alors, fuck de Calis de Steve. Puis pour ceux qui nous écoutent en différé, tabar plot, le Canadien vient de perdre 5-1 leur cinquième match contre les Sénateurs d'Ottawa. Alors, ça va les fouetter, les tabarnak. Que la série est maintenant 3-2. On aura un beau à podcast. Soir, c'est vraiment, c'est dans le de ta... Ouais. On est tous un petit peu en crise, un petit peu ça brosse aussi. Fait que je propose qu'on aille dans l'avant-match tout de suite. Là. Bye bye. Ouais, oui. Je n'ai pas de sujet pour l'avant-match, mais... Bon, on va te le faire, l'avant-match. Tabarnak, esti, là! On est en crise un petit peu en ce moment, là. Je suis comme même pas capable de faire le show. L'avant-match, là, c'est pas compliqué, là. Là, on vient de finir la game, là, la défaite de 5-1, là, c'est-tu de déjeuner, là? On est juste comme décalissé de la vie, là. C'est la première fois qu'on fait un podcast après une game, puis là, on va peut-être biaiser sur le... ce qui s'est passé en série jusqu'à maintenant, parce qu'on était en crise, en tabarnak et en hostie en ce moment. Non, on sera pas biaisé. C'est la même hostie d'affaires qui se passe depuis le début de la série. Ben, tu sais, on a pas le temps comme de décompresser la défaite puis de. C'est la même affaire. Disons, t'as le résumé des matchs, on va en revenir. J'ai pas le résumé des matchs vraiment, là, mais. Quoi? Ouais, là, on a la coupe. Chris Pondeux, c'est tous des matchs de deux buts, genre un trois buts maximum, là, dans le match, là, tu sais. Ah, écoutez. Ben, on peut quasiment commencer avant la période directe, dans le fond. Commence là donc. On y va. Ok, pas plus, pas moins. Est-ce qu'on. Tabarnak. Bon. Non, là, on va essayer de ramener un petit peu de positivisme dans le studio. On va faire nos plus de la série à date. Là. Pas facile avec la game d'asseoir, mais il y en a eu quand même. Ben, de la misère à dire un plus, moi. Vas-y, ouais, Mart. Vas-y. C'est moi qui commence avec mon plus. Ah, vas-y donc. Un gars d'Hamilton, ça compte pas. T'es fin, hostie. Tu peux pas dire des Sens non plus. Ah, t'es chien à part de ça. Hein. Moi, on va le dire, les Sens, j'aimerais vraiment ça qu'on leur pète la Sens. Mais. Voilà, c'est dit. Ben oui. Check. Écoute, mon plus, là, je vais y aller. Sérieusement, là, mon plus, pour vrai, je pense que je le donne à MLN, Chris. Parce que. Quoi? Ouais, parce que. Chris, il est blessé, il joue pas. Hein? monsieur. Monsieur. C'est une blague. Hashtag, ok, non, mais avertis-moi avant de faire des jokes de même. Hashtag, c'est une blague. Je vais me faire qu'un rire, tu sais. Non, mais pour vrai. C'est gay, là, tu sais. Ouais, je le donne à MLN, Steve, parce qu'il était capable de jouer physique. Puis à l'attaque, il n'y a personne que. Je pourrais le donner à Flynn, je pourrais le donner à Steve, je pourrais le donner à Weez, Steve. Tout le monde va donner ça, anyway, sûrement. Je vais le donner à Emeline parce que c'est le seul qui se comporte, je pense, de façon la plus solide quasiment à Def. La Def me regarde, c'est mes moins à Def. Je vais vous le dire tout de suite, anyway, là. Dans l'ensemble, puis Emeline, je trouve qu'il s'en sort bien. Aussi. Les autres, là, je trouve que ça fait pour toi, les games qu'on compte pas de but, c'est la Def le problème? C'est quoi? C'est... Non. C'est néo plus qu'on donne, là. Qu'est-ce qui se passe? Ben Emeline, je trouve qu'il se comporte bien. C'est non, mais on n'en score pas de but. Ben non. Ben c'est ça. Fait que le seul positif que je peux donner quasiment, c'est genre que Emeline, je trouve qu'il se comporte crissement bien pareil. Ben bon, c'était point. Quelqu'un que je trouvais que, admettons que, non, ça va très bien. t'as pas besoin de valider. Puis j'endosse absolument mon choix, inquiète-toi pas. D'accord, Marthe, on te respecte. J'ai pris à l'autre jour, puis c'était pas vargeux non plus. Ben tabarnak! Mais c'est correct, on respecte les choix de l'un et de l'autre. Ben, sauf quand c'est JF, là, on respecte rien à ce qu'il dit. Ouais, okay, moi, je respecte pas vos choix. Mangez toute la mort! Ben, Emeline a donné de très bonnes mises en échec. T'as le droit. Il a pas peur d'aller dans le coin. Il va chercher le puck, esti, puis il fait des belles premières passes quand même, puis ça va bien. Puis je m'attendais à ce que ça soit beaucoup plus compliqué pour lui. Puis Chris, à part de ça, à Def, t'as fuck all, man. Ça marche pas pantoute, esti. Fait que fuck you, esti. C'est Emeline. Non, ton but, c'est Tom Gilbert, il score des buts. Mm. Vas-y, on dit avec ton plus. Avant qu'on divague sur Tom Gilbert. Je vais le donner à Sty, Chris, m'a le donné, j'hésite là. Ben, t'as trois choix. Flynn, Mitchell, Weiss. Les trois qu'on score. Je donnerai pas à Flynn. T'as un choix dans le bottom six. Ils ont fait de quoi une game, Flynn, Mitchell. Là. Ben, c'est ça. Mitchell, Flynn, Mitchell, regarde, une game. Non, je vais peut-être le donner. J'ai Petrie, que je trouve que quand même. Petrie, ouais, excellent choix. Si j'oublie un autre défenseur, c'est pas mal le plus solide présentement. Là. C'est lui qui lance le mieux l'attaque. Je mettrais même Petrie avant Emeline, moi, je te dis. Ouais, non, effectivement. Petrie, mais Emeline est quand même un bon choix. Là, j'oublie pour Petrie, la défense, pour vrai, mais Petrie a été vraiment solide aussi. Petrie, je pense que c'est le joueur présentement. Ben, puis c'est Game 5 aujourd'hui, c'est Petrie qui était le meilleur attaquant du Canadien. Ouais. C'est un défenseur. On peut dire. Je pense que j'irais avec Petrie, là. Puis j'ai pas beaucoup de commentaires à dire là-dessus parce que. Si on est tous décalés en ce moment. Là. Non, on est en tabarnak. On n'est pas capable de se concentrer. Vas-y, donc, JF, avec ton. Je casserais des gueules. Ben, je suis d'accord avec toi. Ok, même mon sou de lutte est en haut, si tu veux. Je peux mettre ça. Tu me donnerais des chops, là. Je suis d'accord avec toi, mon day, pour Petrie, parce que je pense que le gars, il vient de quasiment se solidifier une chance de signer avec le Canadien de Montréal, ça, c'est sûr. Mais mettons qu'on oublie la game d'aujourd'hui, je pense que mon peu, j'ai pas le choix de le donner au bottom six. Ouais, si on y va en général, oui. Parce que dans le fond, c'est sûr, tu sais, mettons, on dit que Flynn il a connu une bonne game, mais c'est parce que. Mention honorable à Gallagher puis à Desharnais, qui sont les deux plus petits attaquants du Canadien, qui se démènent à chaque crise de game, puis qui réussissent pas à rien faire parce qu'ils sont tout seuls. Entre autres, mais tu sais, je m'attends de ça, des gars de même, mais. Ouais, mais tabarnak, qui ont rien pour backer, man. Non, c'est sûr. Mais c'est pas des scoreurs. Bergevin, je pense qu'il a fait une bonne job pour le bottom six. Il a vraiment amélioré. Puis c'est deux trios qui donnent pas beaucoup de buts. On oublie le game d'assoir naturellement. Là. Mitchell, je trouve qu'il fait une bonne job. Même que je trouve que c'est un upgrade à Malhotra finalement avec ce qu'il nous donne. Puis Flynn, j'aime mieux Mitchell que Flynn, malgré que Flynn a fait comme trois points à la première game. Là, mais je veux dire, hormis ce match-là. Hormis ce match-là, tu sais, je veux dire, c'est quand même pas un gros joueur. Là. Ben, je veux dire. Non, mais en échec avant, c'est des joueurs de quatrième trio. C'est un joueur, trio, c'est un joueur Chris, d'énergie. Là. C'est ça, mais on s'entend que c'est des joueurs de quatrième trio. J'aime mieux Mitchell que Flynn, personnellement. Ah oui, mais tout ça dans le même panier. Là, c'est... Bon. Bref, le bottom six, je trouve que ben oui, si, on ça y fait va la général, job. Puis j'ai aimé ce que j'ai vu de DSP à première moitié des séries. Puis là, on dirait qu'un peu, ça l'a slacké parce que le gars, il frappait tout ce qui bougeait. Mais je sais pas pourquoi, il a comme arrêté de faire ça. Ah, moi, j'ai aimé DSP. Là, quand il a pogné Condit, sa gueule, là, c'était bon, ça. Ben, ça c'est DSP, ça. Il devrait être un peu plus méchant que ça. Moi, je pense il est pas de même. C'est pas un gars qui va se mettre dans les mains. T'es un agneau. T'es un agneau. Il va frapper fort, mais c'est pas un gars qui va. Tu sais, il aime pas arriver dans les confrontations un à un contre quelqu'un. Mais pourquoi, y a-tu peur? Ben, je pense que oui. C'est un gars frileux, ouais. Ouais, c'est pas un gars qui aime les escarmouches. Il va pas beaucoup dans l'action. Il joue à qu'une vite. Mais pourtant, il est cherché pour ça. Il va pas beaucoup dans l'action, mais il va beaucoup dans les coins. Mais moi, je frapperais le monde, des coups de poing de coude. Non, mais il fera pas ça, il se battra jamais parce qu'il n'y a pas ça. Des coups de poing de coude. De coude. Non, mais tu verras jamais dropper, lui-là, ou arriver à quelque chose. Je veux pas qu'il droppe, je veux juste qu'il prend. Même sans dropper, il fera pas ça. Je veux qu'il fonce au net, on est dans les plus, là. Ok, c'est bon. Bref, DSP, j'ai aimé la première moitié de la série. Mais ton plus, c'est ton bottom six. Bottom six. Parce que lui, il a joué dans le top six là, dans la première moitié. DSP, ouais, c'est... Ben non, c'est parce que dans le fond, c'est une petite mention de rab à DSP pour la première moitié. OK, c'est bon. Bref, c'est ça. Il m'a donné mon plus à Desharnais, moi. Bon. Même s'il n'y a pas... Bon choix. C'est probablement le gars qui travaille le plus fort, c'est juste dans l'attaque du CH en ce moment. Même s'il est tout le temps sur le cul, est-ce que je suis fier de voir ça? Ouais, mais il veut la Mais il a tout le temps la puck, il a tout le temps la bonne passe, il est tout le temps à la bonne place. Fait que Desharnais, chapeau, casquette et puis Tuck aussi. Oh, et tout, ah, pourquoi, tout, tout, pourquoi pas. Cache-oreille, mets dans un cache-oreille. Puis je vais faire. En dos en poêle. Je vais faire un plus-moins à un joueur. Un plus-moins. Un plus-moins. Ouais, je fais ça cette semaine. Là, on n'a jamais vu ça. Non, c'est une première. Je te sors comme une fin dans Playoffs. Bon, ça va bien. Je donne un plus-moins à DSP, moi. Comme un peu Jeff disait, son implication au début de la série physique, tu frappes tout le monde pour le plus, puis le moins. Calisse qu'il n'y a pas de main, ce gars-là. C'est effrayant. Ah, oublie ça. Combien de chances ce jeu. Gars-là a manqué? Puis qu'est-ce qu'il crie sur le powerplay DSP? Ben là, il était pas à 7e, 5e game. Après game 1 et 2, il était oui, temps qu'il allume, t'es rien là-dessus, sérieux. Il a essayé de quoi? Il voulait le mettre devant le net pour que ça brasse, mais il fait pas ce que Gallagher fait. Il se place pas. Puis quand il y a la poque devant le net, il tire à côté, il tire dans le goal. Il y a pas de main. Tu peux pas le coller en avant du net présentement dans la série contre les Sens parce que. Non, parce que. Mais toi, t'as une méthode qui marche très bien. Malmené total, là, man. Gallagher, c'est André the Giant. Ça, non, mais il serait supposé être capable de se planter les deux pieds en avant du goaler puis rester là. C'est pas compliqué. Mais c'est ça, parce que ce gars-là, là, il peut pas faire des vieilles pucks. Il n'y a pas de hockey sense, man. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça, Chris. Si là, il y a une... ça va être une bad, là, que quelque chose, ça va toucher comme un petit coude, ce type, ça va rentrer. Ben, maintenant qu'on a vu ce qu'il fait en playoff, est-ce qu'on a fait bien fait ça, d'échanger Sekatch pour ou... Ben oui, parce que les gars sont durs à pogner. Sekatch joue pas en ce moment. Non, mais c'est parce que l'affaire, là, c'est que des Smith Pelé, là, dans l'Ouest, là, t'en as de même. Il y a juste ça, sont tous gros dans l'Ouest. Ils sont tous de même. C'est un format de joueur. Regarde les Sharks, c'est tout des t'en as 30 là, dans l'Ouest. Dans l'Est, il y en a beaucoup moins des de même. Mais ça joue pas ce style de jeu-là dans l'Est tant que ça, c'est pour ça. Ça joue ça en playoff. C'est ça. Puis c'est là qu'on voit le Canadien de lacune, c'est tout le temps là un peu. On se fait souvent dominer à ce niveau-là. Allons-y pour les moins maintenant. Martin, Dave, quelqu'un? Ben, moi, je vais y aller tout de suite. Moi, c'est Gilbert, tabarnak. C'est pas compliqué. Chris Hart, il a compté le seul scoreur en deux games. OK, on a dit non-obstant, là. Chris, non-obstant, quoi? Ouais. Non-obstant, il y en a scoré un. Et t'en as coûté combien, Calis, avec ses petites passes suicides de manger de marde, là? Plus capable. Ben, c'est lui qui a fait la casse de retardé. Ah oh ouais, puis Gab, celle-là, j'y compterai même pas. Je vais y créditer celle-là. C'est pas grave, là, OK, là, au pire, là. Ça peut arriver en affaire de même, là. Mais je veux dire, c'est le nombre de fois que ce gars-là est en possession de la puck dans sa zone. Il sait pas quoi faire. Il peut pas prendre une décision rapide. Puis quand il en prend une, c'est pas à bonne. Tu vas remarquer, quand ils font une relance d'attaque, là, ils font le breakout, là, ils sont dans leur zone, là. Il n'est pas capable de prendre la puck. Il faut tout le temps qu'il passe à l'autre def. Puis il s'attend que ce soit l'autre def qui fait la première passe, en l'occurrence, Emeline. Puis il faut qu'il s'attende que ce soit lui qui fait la première passe parce qu'il n'est pas capable. Il n'est pas capable de gérer ça, une première passe. J'aurais été curieux de voir une chose, c'est les stats de Gilbert pour voir combien de fois qu'il était sur la glace quand Ottawa scorait. Souvent, ouais, je vais te dire, moi, souvent. Parce que les vues en Asti, moi, puis à tous les buts, Asti Gilbert, il est là. Ils seront tout à fait un turnover. Le problème avec Gilbert, là, c'est parce qu'il joue pas du bon bord, fait qu'il a le réflexe de tourner du mauvais bord. Hey, Melly, son meilleur bord. Il perd là. Une fraction de seconde. Tape un peu. Il tourne pas à droite. Ok, il est comme Zoolander. Non, mais c'est parce qu'il est comme, au lieu de couvrir le gars vers la bande, il fait le contraire. Il couvre le gars. Il laisse le gars vers sa patinoire pour se diriger vers le net. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, là, c'est compliqué ce que j'ai pas compris. Il serait supposé de. Hey, Jeff, sort les bâtons et il va dans l'air de. Que sa palette soit orientée en direction de la bande. C'est parce que c'est. Au lieu de couvrir le gars, mettons, qui descend en zone, de laisser faire la bande puis de bloquer le jeu, ben il c'est le contraire. Gilbert est près de la bande, puis le gars, il s'en vient de même. Fait que c'est sûr, Resti. Tu veux plus grandir, d'espace, Jeff, faut expliquer là. J'aimerais ça avoir un bâton. Oui, Dave! Tu sais, mais quoi? Non, il était l'autre bord. Non, mais c'est quoi, tu veux dire? Genre, il va jouer le gars avec son côté revers, tu veux dire? Non, ce que je veux dire, là, c'est que, mettons, là, mettons, ça, c'est la bande. Tout est beau. La bande, puis le joueur des sénateurs, quand il s'en vient, il est là, puis Gilbert, il est du bord de la bande. Ouais. Je me suis comme ça porté. Habituellement, à défense, faut que tu laisses pas le style centre de la patinoire, tu le colles sur la bande pour l'empêcher d'aller vers le centre. Ben, idéalement, là. Mais... ben, il le fait pas, ça, quand il joue, depuis qu'il joue à gauche. Il le fait pas. Mais gars, je vais dire une affaire, là. Gilbert, là, mêlé sur son côté fort, son côté faible. Son côté faible, il va être très poche. Puis de son côté fort, il va être juste poche. Tu sais, c'est ça l'affaire. C'est qu'il est topé, il a pas de potentiel, ce gars-là. Non, mais il est topé, c'est qu'il résume. Il est pas mauvais, il est juste pas bon. C'est comme s'il était à sa barre zéro, puis il est rendu dans le négatif solide, là. Ouais. Ouais. Ou dans le moins, puis dans le très moins. Tu sais. Ça, c'est grave, là, rendu là. Ben, c'est grave. En tout cas, moi, mon moins, gars, c'est ça, that's it. Tu l'aimes pas, Mart. Tu... Non, mais c'est correct. Je m'assume absolument là-dedans. Chris, que je t'en ai. T'essaierais-tu Gunchar? Non, je ne serais pas Gunchar. Papy Gunchar, c'est bien. Pat. Papy et Porte-Manteau qui sont toujours benchés par Michel Therrien. Puis Porte-Manteau, lui, c'est parce qu'il s'est ouvert la gueule. C'est une punition. Là. Ben, je sais pas si c'est encore non, à ce moment-ci. J'ai des informations, justement. Ah, ben, des infos, si je peux me lancer, Dave, si tu me permets, je vais dire mon moins tout de suite. Moi, mon moins, c'est pas compliqué. Là. Je vais te laisser le powerplay parce que je suis certain que tu vas en parler parce que ça fait partie de mes moins aussi. Mais mon moins solide, là, c'est Porte-Manteau. Il joue même pas. Ouais. Entre autres, parce que pour moi, ce qui est important, là, c'est l'esprit d'équipe. Okay? Porte-Manteau, il a joué une game poche dans le fond, la première game, il n'a rien fait. Là. Puis pourtant, tout le monde a contribué à la victoire, même les gars les moins bons. Puis surtout les gars les moins bons. En fait. Porte-Manteau, ce que j'ai pas aimé de lui, là, c'est que ce gars-là est tellement égoïste et gros que... c'est gratuit. Là, égoïste, égo ou... Il est gros, il est gros. Il est gros, non, gars, ça il s'est fait tellement crosser à la Linda Hébert là, en plus. Là, ce qui est arrivé, là... Quoi? Je vais t'expliquer mon histoire. Et tu vas comprendre. C'est qui Linda Hébert? C'est la journaliste dans les 50. Linda Hébert, la vieille langue de vipère. Ouais. Tu mets quoi? Je t'aime. J'espère que vous savez de qui je parle, la fille qui... En tout cas. Les fans de RBO vont le savoir. Sinon, vous êtes qui, vous autres? Si vous écoutez. C'est parce que les Canadiens se sont tellement mindés à dire que Pacioretty a une blessure au haut du corps. T'sais, c'est sûr qu'on n'est pas cave. On avait comme un doute sur ce qui était blessé et tout ça. Là, on a vu sa face à 40 en bande. Solide, tout le monde l'a vu, mais là, tout le monde est stické à savoir. C'est quoi la blessure à Pacioretty? Ben, selon ce que selon les informations recueillies par la presse et Richard Labbé, c'est une vague de cheveux. Ils ont été interviewés un joueur qui voulait garder l'anonymat, puis il a confirmé que Pacioretty a une commotion. Parce qu'il a dit, moi, quand j'ai eu ma commotion cette année, je suis passé par un processus, puis Pacioretty est passé par le même. Ouais, le seul joueur qui a eu une commotion cette année, c'était Parenteau. Il a ouvert sa trappe. Fait que là, c'est sûr et certain que la direction... J'avais pas vu l'histoire au complet. Ouais, c'est ça. Ben, c'est parce que dans le fond, c'était pas clair. Je l'ai lu à l'article, puis je me dis, c'est Parenteau, ça, calice. Mais pourtant, il a demandé l'anonymat. Mais penses-tu vraiment que Bergevin... Non, mais c'est l'abbé que c'est un hostie d'épaire. Oui. C'est genre, non, si tu brûles pas tes sources dans la même. Oui, c'est vrai que la base. Ben non, mais non, Mark, oui, mais en même temps, c'est comme le riff qui a été parlé avec le blogueur de Yahoo Sports, puis qui a dit tout ce que tu dis pas aux journalistes quand t'es un arbitre. Tu parles pas aux journalistes. Ouais, mais l'abbé, tabarnak, étais-tu obligé de le brûler de même? Ouais, mais ben, non, mais. C'est à Parenteau de pas parler. Peux-tu garder la loi numéro un, là, quand un journaliste qui te pose des questions, tu fermes ta gueule. C'est, à part quand c'est en conférence, puis que le gars il te pose la question, il dit comment était ta game. Mais tu commences pas à parler de blessures, puis de choses que le Canadien essaie de garder. Ouais, secret. Mais peut-être, puis peut-être que Parenteau il se venge et tout, aussi, parce qu'il est en non, non, je pense pas qu'il se venge. Parenteau il est pas assez brillant pour se venger. Le gars, là, il a pas un quotient élevé, cet enfant-là. Là. Ben, lui, non, par exemple, il était Harvard, lui, il hein? était pris à partie aussi avec Patrick Roy, lui, au Colorado aussi. Oui, là. Parce qu'il se pognait le cul. Roy était en tabarnak à cause de ça. Fait qu'ils l'ont collé dehors. C'est pareil que c'est pas un enfant de cœur à dealer avec, ça, Parenteau. C'est pas que c'est un enfant de cœur. Le gars, il est paresseux. Là. Il est sabrosse, puis c'est le coco. C'est un train de savate, esti, là. Ben oui. C'est un tabarnak, ça. Ben, sais-tu que le train de savate, Chris, peut-être que sur le top 6, je serais curieux de voir, esti, d'un coup. Là, Parenteau? Ça pas quelque chose. Le gars, il a la chienne. Esti, il verrait... Ben, excuse-moi, mais il aurait peur de se faire plaquer par son nom, esti. Il y a deux gars là, qui ont pas la chienne, esti, là, puis les autres, là, des beaux Chris de courant. Ah non, j'aimerais bien mieux avoir un gars comme Dale Weiss dans le top 6 qu'un gars comme Parenteau. Parenteau, là, il va jamais se saler le nez, esti. Ça, c'est le genre de gars, là, quand quelqu'un accroche son soulier blanc, là, il met ses doigts sur sa bouche, là, puis il enlève la saleté. Ouais, ce que tu me décris là, j'en vois une coupe moins live, esti, puis ça a joué à soir, ça. Dans notre belle défaite de 5 ans. Tu vois, Mark, c'est ça, là. C'est une erreur de parcours ce soir, je dois vous avouer. Non, c'est correct, mais gars, je vais dire, là. Tu tiens des sources de où, toi? Ouais, mais t'as un peu. La presse. Ouais, mais t'as un peu, OK. À soir, puis le fun, c'est une erreur de parcours, là. Mais l'autre game d'avant, puis l'autre game d'avant. Non, non, non, attention, l'autre game d'avant, là, ça finit 1-0. Ça aurait pu finir d'un bord comme d'un autre. Ouais, OK. Puis l'autre d'avant, qui reste une game d'un 0, tu trouves ça normal? L'autre d'avant, on a gagné 2-1. Fait qu'on a fait ah, mais c'était 4 buts en 3 games. Là. Je veux dire, les games auraient pu aller d'un bord puis de l'autre. Chaque game aurait pu aller d'un bord comme de l'autre. Deux mais je pense pas que Parenteau aurait fait de la différence. Non, probablement pas. Ben, ça Parenteau, c'est un esti de passeur, par exemple. Je veux dire, une affaire, il fait des crises de belles passes. Puis oui, c'est pas le gars qui va se mettre il, en avant du net. Il fait pas des passes. Belles il se débarrasse du puck parce qu'il a peur de se dépeigner. Non, non, non, non, non, non. Excuse. Non, non. Je comprends que t'aimes pas Parenteau, mais on va y donner une affaire. Je l'ai. Je suis capable. C'est bon, ça, c'est parfait, esti. Hey, je l'ai. Même que je pense que je vais le call out. Ah oui. Non, attendez, là, Jeff, tu fais-tu ton premier call out de la soirée? Ah oui. OK, avant que Jeff fasse son call out, on va officiellement annoncer le thème des call out. Une gracieuseté de Bruno Gerger de Réseau Nouveau. Merci, Bruno, pour la plug. Alors, call out, tout le monde. C'était tellement violent. Mon esti de tabarnak, là, t'es tellement gros, t'es laid, tu parles du pu. En tout cas, non, c'est déjà. Tu parles du pu? Non, ça c'est parce que on je suis sous. On aurait dû des insultes de genre secondaire 2. C'est tellement pas ça. Dans le corps de tombe, j'ai honte de mes propos. Ben, ce que je voulais dire, bref, c'est que Parenteau, il ne fait pas pantoute dans l'ambiance de l'équipe. Je pense que ce gars-là, il vient de signer son ticket pour se faire colisser dehors. Ah, mais c'est facile, on l'a juste signé pour 2 ans. C'est facile de colisser dehors. Là, on l'a pas là, signé pantoute. Oui, si le pire de tout ça, c'est si je recule en arrière, la première été que Bergevin était balance, directeur là. Général, là. Je me rappelle parce que là, le monde, il disait à Parenteau, il dit « Ah, t'as signé Colorado, 4 ans, 4 millions. Tu sais, il dit « Canadien, sais-tu pensé quoi? » Il dit « Non, non, le Canadien, il m'a jamais fait d'offre. » Puis, ils ont posé la question à Bergevin. Je passe là. Oui, non, non, je sais, je l'écoutais. Je suis là. Moi, là, savez-vous qu'est-ce que je fais le 1er juillet? Je déménage pas, moi. Moi, je fête la fête du Canada en écoutant TSN puis les signatures de joueurs autonomes. Je te prierais de sortir du studio de JF. Ouais, parce que moi, je déménage aussi. Puis le problème qui est arrivé, c'est qu'après ça, ils ont posé la question à Bergevin, puis cet été-là, il avait signé Price à long terme. Puis là, ils ont posé la question, il dit « Ouais, il dit comme ça, Parenteau, il n'a pas fait d'offre. » Puis il dit « Non, non, non, non, non, non. » Il dit « Non, non, écoute, ben, j'ai fait une offre, puis il l'a refusé. » Bergevin dit ça? Ouais. Ah ouais. Fait que moi, je pense que Parenteau... Dans le cas de Parenteau... Parenteau, c'est un trou de cul. Écoute, ce gars-là, là, Tavares... C'est là... un trou de cul! Oui! Fuck! Hier, je me suis couché, puis j'ai eu un rave. Que je signais Parenteau, puis que je le benchais dans les playoffs. Bon, OK. Dave, avec ton moins de balles, on est rendu là, je pense. Ben, Chris, il a brûlé mon punch, là. Moi, c'est le sûr power que play. Ça va être le power play. Tout le monde, c'est le power play, je pense, là. Le power play. Mention honorable à Galchenyuk. Déshonorable à Galchenyuk qui fucking... Honorable, déshonorable. Déshonorable, okay. C'est ça, je me suis surpris. Mention honorable, déshonorable. Mention déshonorable à Galchenyuk qui fout fuck all, man. Je pense qu'il y a eu 2 beaux tirs aujourd'hui, c'est tout, man. Dans si, toute la série, si Alex était là... Il y a un beau but. Un beau but, c'est pas vrai, en prolongation. Il est content en prolongation. Alex donnerait son moins à De La Rose aussi, je pense. Un nasty goal. S'il faisait tout le temps des goals comme il a fait en prolongation dans le match numéro 2, je crois. Ouais. C'était merveilleux, ça, c'est ce qu'on veut. Mais le power play. Le powerplay, quel powerplay de merde. Je pense qu'on est genre... On est 1 en 19 en ce moment. Ouais, puis ça, j'ai une stat, c'est importante parce que moi, je pensais que le powerplay, le problème, c'était de Daniel Lacroix, le nouveau assistant coach. Là. Mais le problème date, puis j'ai des statistiques ici, du 4 décembre 2013. L'avantage numérique a marqué seulement 23 buts en 177 occasions. Ah, mais c'est même pas le même gars de powerplay en 2013. Ben, non, mais c'est c'était galant. Non, mais c'est parce que c'est le même calice de noyau, de joueurs. C'est le même fucking noyau okay, de joueurs. OK, mais là, on s'en va où? Il y a où le problème d'abord? Là? Le problème, c'est que les joueurs qu'on a en avant... Pas souvent, certains. Non, non, c'est parce que là, ce qui se passe, selon moi... Là, le système est pas bon, si je sais pas. C'est tout le temps rien. Non, mais c'est parce qu'on est prévisible. Non, mais c'est parce qu'il se passe rien que ça chante à Subban. Mais qui... C'est ça, man. C'est quoi le truc? On place Subban, on fait de l'espace quand Subban est prêt, on passe à Subban puis on fait un shot. Qui fait les jeux? Qui planifie le powerplay? Le coach est powerplay. Puis avant ça, c'était Gérald Galland. Puis ça marchait quand même pas pire avec Gérald Galland. Mais non, ça date depuis décembre 2013. Galland était là. On a eu des meilleures séquences que ça, là. Non, parce que le problème... Mais vous l'avez soulevé, le problème. Arrêtez de faire la passe à Subban pour le slap shot. Ça marche pas. Ils savent, c'est télégraphié à chaque fois. Mais c'est le seul qui a... Non, mais ça marche, la passe à Subban. Ben oui, mais ça marche, mais ça sera jamais au nez. 1 sur 5, esti, pas genre 5. Mais non, mais des playoffs, tout le monde se crisse devant lui. Ben, c'est sûr. Hey, tout le monde a des Jean-Gabriel, tout le monde analyse tout. Est-ce qu'on est tout en crise en ce moment? Tout le monde analyse style powerplay. C'est pas dur, Chris. Il le regarde. Là, les équipes disent on joue contre Montréal. C'est pas dur à analyser. Il check les tapes, style, puis il dit ben la shot dangereuse, c'est Subban. Il place un gun avant, il bloque sa ligne. Le Canadien, quand ils réussissent à connaître un bon powerplay, c'est pas compliqué. Connaissent un bon powerplay, qu'est-ce qui se passe? La puck circule bien. Jusqu'à temps que Subban shot, puis elle rentre. Puis elle rentre pas, c'est ça. Non, mais en plus, c'est un bon powerplay. Oui, c'est vrai que la puck circule bien. Un bon powerplay présentement du Canadien, c'est ça. C'est la puck circule bien. Mais ils font rien avec. Subban tire. C'est ça. Mais le problème, c'est que oui, elle circule bien, mais sacrément, c'est toutes des longues passes. Le goaler, il a le temps de se déplacer. Elle circule bien, mais en rond dans le coin. Mais c'est ça. Ça sert à rien, ça. C'est de la merde. Si tu crées pas d'ouverture, ça donne rien. Ben, quand tu crées d'ouverture, tu parles de quoi, là? Ben, il faut que tu fasses Si toi, tu te déplaces bien la rondelle, mais que tu fais pas déplacer les autres joueurs, ça donne fuck all, man. C'est ça, mais parce que, dans le fond, le problème, c'est qu'on fait des passes longues. C'est comme si on faisait la pratique, là, on se pratiquait à se faire des passes, là, entre amis, là. Faites des passes plus rapides, esti, mêler l'adversaire. J'ai vu ta passe, puis esti, je me fierais pas sur toi. Non, mais vraiment. Hein? Une vraie passe, ben, là. Non, mais vraiment, là, un bon joueur à temps normal, là, quand il veut mêler l'adversaire, il fait tellement des passes là, que même le joueur a tendance à se fouler à la cheville parce qu'il sait plus où ou virer de bord. Mais non, le mais Canadien, c'est pas contre qui, là. Pas ça. Quand est-ce qu'on va avoir un joueur qui va se coller dans l'enclave bien placé puis qui va faire un hosti de tir avec un genou ah, à non, terre, mais c'est là. Non, mais il se posait d'être capable de mais faire pourquoi, ça. Pourquoi ils reviennent pas à la base? Shoot the puck, crash the net, regarde, c'est tout, juste là. Ça. C'est l'affaire, là. Non, non, l'affaire, là, souvent, là. Tu dans le plastron. Souvent, là, ce qu'ils essayent de faire, là, c'est l'hosti de tic-tac-toe, là. C'est juste ça. Le par-par-par puis un tir. Ils sont pas capables de tirer au net. Quand tu vois, là, qu'il te reste 40 secondes au powerplay, là, puis le puck s'est juste promené, puis tu essaies de t'installer trois fois dans la zone, puis tu ressors de suite, ça veut dire, là, shoot donc le Chris de puck sur le net, puis il arrivera ce qui arrivera. C'est ça. Tu sautes sur le retour, hostie. Puis tant qu'à manquer des slap shots, tire au net. Crée de quoi. Puis en plus de ça, Subban, en plus de ça, Chris, la cerise sur le gâteau, quand il reçoit le puck, il y a le stick à style V-7 là, à peu près là, dans les airs. Juste là. Pour être sûr que tu saches pas qu'il t'sais, va là, tirer. C'est ça, t'sais, c'est comme bon, ok, parfait. Ben, tout le monde essaie de faire ça. C'est là. Ça le but, parce qu'on dirait qu'il passe le puck pour essayer de déplacer l'adversaire pour finalement la passer à Subban. Ça finit toujours par la passe à Subban. Ben ça, c'est correct, cette boîte-là, il est correct. Là, ils ont fait une modification. C'est rendu que Markov shot le puck. Subban, quand il se prépare, il est cringué comme une ballerine de. C'est prévisible au bout. Puis c'est bizarre parce que tu regardes des clubs que ça fonctionne en avantage numérique, mettons comme Chicago. Là, est-ce qu'il y en a des options en tabarnak pour tirer ben là, au net? Quand t'as là. Patrick Kane, c'est ton power play, calice, ça va bien, esti. Puis là, t'as Dan Kincaid, puis Seabrook, puis gars, là, on en passe. Là, pendant ce temps-là, Marc-André Fleury pleure devant les journalistes parce qu'il s'est fait sortir des playoffs. Fuck you, Fleury! Il pleure, ben tu? Ouais, il est en larmes, ça a l'air. Là, near tears talking to media. C'est peut-être ça. C'est... Non, il vient de signer un contrat de 5 ans. Ouais, ici, ouais. À 5, on n'arrivera pas là-dedans, on en reviendra peut-être à la troisième période. Là, oh, mais... mon Dieu, j'ai envie de pleurer pour lui. Je vais donner mon moins au top 6, moi, du Canadien. T'as l'air, tu disais ton plus au bottom 6. Moi, je donne mon moins au top 6 qui fout fuck all en ce moment. Là. Pourquoi? En playoff, c'est les hosties de plombiers qui se réveillent tout le temps, puis les Pacioretty, les Plicanettes, puis... Ben, ça a peur de se saler le nez. Ben oui, mais ça... Le top 6, c'est fragile, ça a peur c'est quoi d'aller le but dans les coins quand ça passe. C'est d'arriver en playoff ou c'est de gagner la ben, coupe, est-ce il y a bien des teams, par exemple, tu regarderas dans les dernières années, il y a bien des teams que, quand tu regardes les séries éliminatoires, c'est les ben le c'est souvent la 3-4e ligne qui vont aller grinder puis qui amènent l'énergie. Souvent, mais ce qui se passe, c'est que les deux premiers trios de chaque équipe vont s'annuler. Ils sont sur la glace en même temps. Ben, c'est exactement ce que tu dis. Ça s'annule parce qu'ils génèrent absolument rien. Nos mais deux premiers trios en ce moment, c'est... Parce que les gros trios des Sénateurs produisent pas, là, présentement. Ouais, mais c'est parce que, non, mais ton joueur étoile, non, ouais, là, c'est un match, mais dans les équipes, dans les grosses équipes, d'habitude, ton joueur étoile, il produit quand même. Là. Ça va quand même bien. L'équipe qui gagne la coupe, là, la première ligne, elle marche à fond. Elle marche à fond, oui. Gaborik, le score est 20 buts dans les années passées, c'est sa première ligne. Mais en ce moment, Pacioretty, on sait qu'il a l'air encore blessé aussi. Non, mais tu regardes ça. C'est pas rare que c'est les bottom six qui vont faire la différence. Ils vont faire une belle partie. C'est pour ça que c'est important d'avoir une belle profondeur. C'est ça, une belle profondeur. C'est souvent eux autres qui font la différence. Ils vont, je veux dire, dans le sens que Tu gagneras pas juste avec ton top 6 là, dans des séries. Ça marchera pas. Est-ce qu'il faut vous rappeler, en temps normal, ton top 6 devrait marquer en avantage numérique. En temps normal, dans une saison complète, ton top 6 va te faire gagner des games. Puis ton goaler. En série, je pense que ton bottom 6 fait la différence. Ben, ton goaler va te faire gagner. Pas bottom 6, ben, ton goaler tu aussi, pas loin. C'est ça. Là. Ton goaler peut te faire gagner, sauf quand c'est plus mondial. Sauf que si tu scores 0 but, ton goaler va faire tous les arrêts puis passer un but, ça marche pas. À soir, là, on a perdu 5-1. C'est pas la faute à Price, pareil. À cause de Price, on a compté un tabarnak de buts. Tom Gilbert, en plus. En deux hosties de game. Ça n'a pas rapport avec le goaler, pas en tout, à soir. Ça n'a rien à voir. Ben, tu ne donnes pas de marge de manœuvre. Tu l'aides pas. Tu donnes pas de marge de manœuvre. Tu scores. Chris, tu scores un Chris de goal, man. Quand avec Gilbert, c'est ça. Depuis le début des séries, on n'a jamais été capable de marquer le premier but. Si on finit par marquer le premier but pour la première fois de notre Chris de série, là, ça change l'allure de la game. Ouais, Chris, mais en même temps, on a gagné trois games en tirant derrière 1-0. Ouais, non, ça. Je sais, mais on joue avec Don le feu. Quand tu joues avec le feu, à un moment donné, tu finis par te brûler. Ah, quelle belle phrase. Wow. Fait que ben ça fait le tour de nos plus et nos moins et de la période. Fait qu'on va aller faire une mini entraque là parce que là il est tard là. Fait que on se pogne une autre bière puis on va ouvrir pour la deuxième période. Entre les 3 heures on farme. On est retour pour la deuxième période. Pendant que Dave cachait la bière partout. Bon, on va essayer de se sortir un peu de notre torpeur puis notre négativité. Là. Bon, ah, tellement... je suis encore en tabarnak. Tu me ramènes à ça, ça allait bien. Ça, on, on parlait de Toton Recall, là, puis là... Toton ou Toton? Toton Recall, man. Manquez pas Toton Recall. Il y en a pas trois? Ouais, il y a trois Totons là-dedans. Il y a trois Totons dans Toton Recall. OK. Alors, Toton Recall. OK, on va faire essaie de dire ça vite. Il y a trois totons dans Toton Recall. C'est les nouveaux exercices de diction. Mettez-vous un crayon dans la bouche et essayez de dire ça. Il y a trois totons dans Toton Recall. Il est bon, il est bon. Mais pas toi, pour un gars sur la brosse. Mets-toi un toton dans la bouche et essaie de dire ça. Il est bon, man. Mardi, il y a une épaule et essaie de dire qu'il y a trois totons dans Toton Recall. OK. Il l'a dit, il y a six il est bon. Je suis jamais capable de dire que c'est le temps de faire le tour de Ligue nationale, mais ça, je peux le dire. Il était carré, il l'a tellement bien. Ah. OK, fait on va faire le résumé des 5 premiers matchs de la série Canadien-Ottawa. Fais ça vite. OK, ben. Je pensais que tu prenais ton élan pour partir, genre, il y a le premier match, j'ai perdu le deuxième match. Alors, OK, bon. Ça finit 1-0, ça finit 2-0, ça finit 0-0. OK, première affaire qu'il faut parler, c'est le premier match. En fait, c'est le coup de Subban. Là. On n'a pas besoin d'en parler sur Mark Stone. Et pas. Move de cave. Con, man. Encore Subban qui pense a, à lui. Move qui a donné le ton à la série. Là, mais il méritait pas de se faire sortir, là, honnêtement. Il méritait de se faire sortir de la game. Non, il méritait non. Oui. Ben oui. Non. Oui, parce qu'il a donné un coup sur un casque d'un joueur juste avant, qui a pas été puni, par exemple. Ça, je trouve ça vraiment bizarre. C'est comme plus accidentel. Le coup à la main. Il est sorti pour le coup à la main. Ben, mais c'est un coup de hache, pareil, puis tu veux pas voir ça. Sauf qu'en même temps, il y a eu une game après ça des Pingouins qui ont fait. David Perron a fait la même affaire, puis il y a eu un 2 minutes. Attends un peu, là. Il a fait payer même. On compare. Mettons qu'on compare pas le move. Il a donné un hostie de coup de hache. Bon, un hostie de coup. Ben, un bon coup de hache. Une micro-fracture. Hey Gaston, j'en ai rien à foutre. Ben non, mais attention, là, parce que moi j'ai écouté la reprise vidéo une fois, là. Puis. Christian. Ça a dû être long. Subban était de même. T'as analysé ça en profondeur, toi. Oh ouais, j'ai mis pause. Je l'ai écouté une fois, là. On t'écoute, on t'écoute. Moi, là, quand j'ai écouté Passe-Partout ou Fardoche, là, il nous montrait comment donner des coups de hache chez les arbres, là. Tu prenais un élan de même. Ouais, d'ailleurs, Grand-Papa B est mort aujourd'hui. Grand-Papa B, c'est une marionnette. Ben, la voix de Grand-Papa B est décédée. Alors, il était pas mort. Non, je pense que d'ailleurs. Je pense que. Même Fardoche est mort. Non, mais avec un vocal de même. Il avait 81 ans, puis je pense que. C'est un suicide. Moi, je me tiens juste à sa moustache fluffy. Là. Je pense qu'on s'écarte un peu. Là. Ça, en tout cas, vas-y. Un coup de hache pour moi, c'est que tu prends un élan de même. Non, mais c'est une façon de parler, là. Le coup de Subban, il était de main avec son bâton, puis il a juste... Non, je suis d'accord. Vu le poignet, puis il a fait tac. Je suis d'accord. Ben, il y avait ses deux mains sur le stick, il a fait comme... Puis il tombe, là. Excuse-moi, là, mais... Il y en a beaucoup, des coups à deux mains sur le stick, il y en a plein. Non, je sais, mais il y a le Stone n'avait pas la rondelle. Mais OK, mais ça vaut quand même une pénalité. Ça vaut un 2 minutes, mais ça vaut pas un 5 minutes. Ça vaut un 5 minutes. Le règlement écrit par Botman, là, c'est... Quand tu blesses un joueur puis le joueur ne revient pas à la game, tu le sors. Stone est revenu à la game. Non, t'as peu, ça c'est faux. Règlement 61. Stéphane Auger, il le dit à TVA Sports, je crois tout ce qu'il dit. Mais on dit après, moi j'ai la même affaire, règlement 61, c'est pas nécessaire que la personne soit sortie du match. Puis anyway, il est sorti du match, hostie, quand il est sorti après ça, il est sorti, puis il est sorti. Chris, le ref, là, il fait pas comme, oh ben là, je vais enlever mon 10, le gars, il est revenu au banc. Il est sorti par la grande crise de porte, OK? Quand un gars sort, là, tu dis pas, genre lui, je donne un 10 parce que s'il va revenir dans 5 minutes. Carlson, là, ouais. Quand il a fessé sur Beaulieu, ouais. Là, ils l'ont pas puni. Ouais, ils l'ont pas puni. Erreur de l'arbitre de ne pas le punir. Ben, tabarnak, deux pas, deux mesures. Hostie. Les gars, la règle 61 ouais. Ici nous dit que Subban ne mérite a pas besoin de blesser Stone pour avoir un game misconduct. Il a juste besoin d'engager plusieurs slashes à la vue des refs. Un ref peut sortir n'importe qui. Ce qui revient à dire ce que j'ai dit tantôt, qu'il a fait un slash d'en face à un gars, après ça, un slash sur le poignet à Stone. Fait qu'il mérite de s'en faire sortir. Le slash d'en face, c'était vraiment accidentel. Là. Ouais, mais en même temps. C'était accidentel, mais. Gars, ben, ça, là, et tout, là, ça peut être genre. Gars, la série, là. On la start pas avec des coups de bâton de même. Ça peut être une façon de mettre un contrôle aussi, peut-être, dans la stratégie des refs, de dire on tolérera pas ça. T'es sorti de la game, mon mais gars. Anyway, puis, à part ça, je suis d'accord sur un point avec toi, c'est que c'est clair que Stone en a mis en tabarnak. Ben, il a beurré épais, puis il a beurré ses deux côtés avec ben du beurre. Là. On a vu Price en esti, pas Price, souvent en esti dans le corridor quand que Stone est revenu. Ah, ça, c'est encore trop. Avec ça. Son petit jacket. Ouais, mais là, il faisait son show. Mais oui, il y en a trop mis. Il y en a trop mis, puis il aurait pu avoir une suspension peut-être juste pour ça. Ça, moi, ça m'énerverait. Et en tant que coéquipier, ça me ferait chier de voir Subban faire son show. Ouais, moi aussi. Ben, moi et tout. Il avait l'air de jouer trop gros. Mais il était en tabarnak, mais. Ah, mais il était en calme ton jeu. Le gars, c'est un compétiteur. Non? Oui, mais tu sais, calme-toi. Mais à un moment donné, là. Non, c'est sûr que quand tu sors dehors, tu restes dans la chambre, tu fermes ta gueule, tu restes là. Tu reviens pas devant la caméra puis commencer à sourire comme Louis-Jean, là. Non, non, regarde bien ça. Quand tu te fais sortir de la game, là, si tu veux faire un show, là. Si tu veux faire un show, là, quand tu es sorti d'une game puis le ref, il dit out, là. Tu le fais pendant que tu es sur le chemin du vestiaire. Tu pètes ton pas. Bâton, mais tu fais ce que tu veux, tu enlèves ton chandail, tu calisses tes épaulettes à terre, mais tu reviens pas. Après. Ou tu fais comme Bryce, tu lâches un gros fuck dans le corridor. Tu l'as laissé sortir, premièrement, de la chambre. T'sais, c'est ça que je comprends pas comment c'est qu'il est revenu. Mais ils ont accès, là, je vous ai dit direct. Non, mais tu peux pas te faire sortir pour revenir de même. Mais quand t'es out. Là. Moi, au soccer, là, quand je conseillais un joueur et que je sortais de la game, j'avais pas le droit de revenir, c'était interdit. De jouer au soccer? Oui. Okay. Ouais. Moi aussi, mais this is not fucking soccer. Ben, en tout cas, peu importe. Quand une personne se fait sortir d'un match, t'as plus le droit d'avoir accès. Chris, il n'y a pas d'affaire là, c'est-tu. Mais quand tu joues au soccer, t'as-tu fait comme Stone une couple de fois, comme tous les joueurs de soccer? Non, jamais. Les rouler à terre, jamais. Faire la fuffie. Jamais. Là. Moi, là, quand j'avais extrêmement mal, je continuais à jouer. Ah. OK. Non, mais qu'est-ce que mané, Chris, il faut que tu sois un homme. T'as pas bataillonné. Le geste de Stone, ce qu'il a fait, ça me fait penser beaucoup au geste de Kovalev qu'il a fait quand il s'est fait taper sur le doigt, puis il a fait ça de même. Son geste est quand même moins épais que celui-là de la pierre. Là, qu'on a tabarnak. Non, non, la pierre, c'est dur à battre. La pierre s'est donné un coup sur les bras, puis il se pogne la face. Lui, je te le caller out en esti, la pierre. Excuse-moi, mais tabarnak. J'ai rarement vu. C'est dégueulasse. Ah, ça, c'est dégueulasse comme call. C'est terrible. Oui, on va clore le cas de Subban, parce qu'on va passer à parler là-dessus, sinon. On pourrait en parler longtemps. Dans cette game-là, GF m'a fait remarquer que Bergevin callait out du monde de sa loge au Centre Bell. Ben oui, il était en crise après l'édition de l'arbitre, fait qu'il était de même. Il était là, puis il pointait le monde dans la fou. Ça, c'est-tu la game qu'il y a eu? La première game. Deal avec Larry. Ouais, Bergevin s'est mis à festoyer sur des buts, puis il a pogné la main à Larry Carrière. Ouais, Ouais, non, il sautait, puis il se tenait comme ouais. Il y avait comme un petit deal entre les deux. Ouais, c'est ça. J'aurais aimé ça voir la réaction de Bergevin à soi. D'après moi, il est tout cassé dans la loge. D'après moi, il n'a même pas resté jusqu'à C'est drôle, ils l'ont pas filmé à soir. Hein? C'est non, vrai. Hein, c'est aucun vrai. Shot de caméra. D'après moi, ils ont demandé, là arrête ça, tabarnak. Là. c'est sûr, hostie, ils n'ont pas scoré, Chris. Fait que la game numéro 1... Ils ont montré les moments de réjouissance. Oui, ils ont scoré, Gilbert. Ça compte pas. Ce but-là est annulé. Fait que la game numéro 1, on a gagné. Puis après la game, il y a eu la conférence de presse classique. Terrien était bien content. Puis le coach des Sens menaçait les joueurs du CH. Mais ben oui, le Crypt Keeper qui menaçait de casser la gueule à nos joueurs. Ça, c'est un call vraiment. Ben, c'est un call émotif. Mais il s'est réalisé vite. Il y a eu un avertissement de la Ligue. C'est aussi un call par rapport émotif, à ça. Mais honnêtement. C'est un call de cave. C'est un call d'épée. Tu peux pas. C'est il a dit comme. Ça, man, il a dit on va viser Subban puis vos meilleurs ça, joueurs. Ça, c'est comme dire on va combattre le feu avec le feu, man. C'est comme tabarnak. Là. C'est t'es ça. Il a voulu là, comme. Tu lances des roches, tu lances des roches, Esti, man. Voyons donc, là. Puis le pire, c'est que. Il a pas lancé un avertissement à la Ligue. Il a lancé. Ben oui, il a dit si vous le suspendez pas, on va frapper les joueurs du Canadien. Ben ça faisait genre mon père est plus fort que le tien. Mais c'est vrai, en passant, mon père est plus fort que le tien, là. C'est sûr. C'est certain, là. Non, mais tu sais, ça faisait. Ça faisait ça. Là. Ben, c'est ça que là-dessus, là, j'ai comme souri un peu. Parce mais avoue que ça fait ça pareil. Oh, oui, non, mais genre, oui. Oui, c'est tu sûr. Tu m'as fait mal, je vais te faire mal. T'sais, c'est comme, ah, hey, bravo. Non, mais c'est comme, sérieusement, ça passe pas pour un coach à la Ligue. On dirait une chicane dans le centre 13. Ben, ça fait moi, que ça a l'air de. Son salaire. Ça a l'air d'une ligue de cabochon de faire ça aussi. Là. C'est pas sérieux. Ils sont payés dans les séries. Comment? Ils sont même pas payés dans les séries. Regarde, j'ai cancellé son salaire au complet. Les coachs sont pas payés dans les séries. Tu donnes une amende de 50 000. Les joueurs sont pas payés dans les séries. Non, les joueurs sont pas payés. Je pense pas que les coachs sont payés dans les séries. Les joueurs sont. Ça, pour vrai, c'est la première fois que j'entends ça. Les joueurs ça. Sont payés. Non, non, non, ah, non, ouais, les ils sont séries, plus payés. Les ils gagnent assez cher, tabarnak. Non, parce que leur match. Mais tu sais, leur salaire est réparti sur la ça saison. Ça s'ils font pas une série, ils comme il y aurait des pertes. Ah, ouais, ok. Fait, un peu comme les profs. Mais ils ont des bonus en série, par exemple. Comme les profs, là. Mais en revenant pour le commentaire de Dave on ferait pas là pour se défendre. Je pense pas ces profs. J'ai comme souri un peu parce que je sais pas si vous vous souvenez du premier séjour de Michel Therrien à Montréal. il avait pas l'angle dans sa poche. Il aimait ça comme call out du monde. Je me souviens quand il a fait le signe de même au coach de Boston après qu'il ait donné une. Après que Zinic a mangé une volée. On parle-tu de Claude Julien? De Michel Therrien. Mais il a dit coach de Boston. Ah, mais là, il a appris. Le, là. Dans le temps, là, dans quand le temps, c'était qui coach de Boston? Robbie Fitorek. Quand il y a eu la close-in à. C'est ça, ben, face Therrien, à avait, ah, le premier séjour de Therrien, tu c'est parles. C'est ça, il s'était levé de bout, puis il a fait ça de même. Coupe sa gorge, coupe-gorge. Quand il y a eu la pénalité au banc, là. Je lui ai fait un coupe-gorge. Therrien a fait ça de même, puis Brisebois, il avait dit que c'est à cause de lui qu'on a perdu. Je trouve que Therrien, là-dessus, il s'est vraiment amélioré côté émotionnel, parce que l'ancien Michel Therrien. Il a l'air d'incuré, tabarnak, à cette heure. Il n'est pas la nature. Il est blasé. Il est blasé. Blasé, non, mais il sait qu'il veut pas se pogner une pénalité de banc parce que s'il se laisse aller, les refs, Steve, vont dire « Hey, gars, il rend, là, assis-toi. » Calme-toi, bâtard! Je trouve que Michel Therrien a pris, dans, je sais pas je peux dire la ça. La maturité? Là, mais, ben, je sais pas je peux dire ça à un entraîneur. De l'expérience mais, de coach, ouais, peut-être. C'est ça, c'est mieux. J'aime mieux expérience que maturité. Il y en a vu, là. Puis Dave Cameron, il a fait une erreur de rookie. Hein? Puis à cause de ça, en grande primeur, ce soir, Ottawa va se faire planter dimanche. Je vous le garantis. Je te le dis, là, j'espère bien. Dimanche, là, je vais charger mon téléphone, puis quand la game va charge commencer, mon je vais le débrancher. Non. Hey, non, vraiment, là, moi, j'ai prédit que le Canadien gagnerait en 6, là. On va en gagner en 6, OK? Moi, je veux un but du Canadien. Je fais mon Brisebois. Moi, ce soir, ce que je veux voir, c'est un vrai but du CH. Ben, merci, Patrice. Juste moi aussi, j'aimerais s'en voir quand c'est 0-0. Non, c'est ça. Non, mais c'est pour ça que moi, je pense que l'expérience va jouer en notre faveur pour... d'ici la fin des séries. Ça reste à voir. Ben là, on a quand même la belle avance, là. Oui. Écoute bien, là. Tu sais, sérieusement, ben, là, sérieusement tantôt, on aurait dû là. Y finir en 4. On aurait été capable de finir ben en 4. Oui, on n'a pas été opportuniste. On aurait pu, mais comme je disais tantôt, il faut quand même que les sénateurs nous battent 4 games en ligne. Là. C'est ouais, ça, mais c'est quoi? Pas, si on s'en arrive à jouer de même, là, puis on n'en score pas un Chris en power play, là. Ouais. Non. Ça continue même, parce que soir, ils se sont gâtés sur le power play, là. Ben ça va continuer. Ah, c'est ça qui va arriver. Là, les gars sont en tabarnak. Mais ils vont gagner. Montréal va gagner, mais ça pourrait arriver. Je peux te confirmer une chose. Si le Canadien continue à jouer, même si on passe les Sens puis qu'on on continue à jouer de même en power play, on passera pas. On passera pas à deuxième ronde. Parce qu'on n'a pas l'équipe. Non, c'est sûr. À 5 c'est sûr. Contre 5 ben pour, non, vraiment pour, c'est sûr. Faut pas fabuler, moins, là. Quand même, bien qu'on passe les crises de Sens, là, la deuxième ronde, là, on va se faire manger tout rond. Puis faisons pas non plus des commentaires comme le monde à ma job qui connaissent fuck all qui me disent on a Price, on va gagner la coupe. Oh, si! Ouais. Non, ça dépend. Parlez-moi pas, temps, j'ai chaud de hockey, moi. Mais c'est parce que là, t'as d'autres équipes là, qui scorent plein de buts. Ben oui, ça c'est va ça. Très là. Bien, tout ça. Puis nous autres, on n'est pas capable de scorer des buts. Protéger en avance, on est. Ben, protéger. Protéger une game, on est capable de le faire avec Price. Ouais, on peut pas protéger une game d'un zéro. C'est extrêmement dangereux d'un playoff. Si tu comptes au moins deux buts, mais si tu comptes juste un crise de but ou pas pantoute, tu peux pas protéger une tabarnak de game. Ben, c'est ça. Ça prend, tu protèges comment une game que non, tu t'as un but, toi. Mais check tabarnak. Regardez Détroit hier, ils menaient 2-0 contre Tampa Bay. Ils ont voulu protéger la game, ils se sont fait crosser en esti. Ils ont perdu 3-2 en prolongation. Mais ouais. Ouais, Tampa Bay était dû en hostie pour en gagner une. Ben si Tampa Bay gagnait pas, ouais, mais c'est parce que si Détroit aurait eu l'instinct du tueur, là. Ça ferait longtemps Anastic Tampa Bay. Là, le couteau entre les dents. Ah, mais c'est pas le Détroit d'avant non plus. Là. C'est le Détroit un team différent. Non, mais ils ont joué une game parfaite. Puis c'est Mike Bickock là, qui joue. Là. Mike Bickock. Tu sais, ce gars-là, c'est un génie comme entraîneur. Ouais, chef. Mais là, t'as peu. Mike Bickock, là, enlève-y son goaler qui a fait toutes les saves. Là, puis c'est pas un grand chef. Asti. Chris, il y a une bonne équipe en avant de lui. Claude Julien, là, quand il a gagné la Coupe Stanley, là, asti, là, si ça avait été là, Mike Babcock, asti, qui aurait été en arrière du banc, là, ça aurait été un génie. Puis ça aurait été asti, Bruce Boudreau qui aurait été en arrière du banc, la grosse crise d'équipe de Boston qui était quand il a gagné la Coupe Stanley, ça aurait été un génie. Asti. Les gars, là, ça dépend tant de l'équipe que t'as. Oui, c'est un asti de bon coach, mais Chris, quand t'as l'équipe qui... T'as le goaler qui fait save en avant toi et tout ça... gars, le coach, dis merci à ton goaler, hostie. Moi, j'en reviens pas. Babcock, oui, je suis persuadé que c'est un bon coach, mais jusqu'à quel point c'est un bon coach versus l'équipe qui en avant de lui. Tu sais, Chris, les scouts, là, à Détroit, ils ont tout le temps super bien repêché, ils ont tout le temps du bon staff. Donne-moi une équipe, c'est rare en Chris que ça doit c'est pas arriver. Lui qui là, compte là, les buts. Là. Une équipe de la Ligue nationale que c'est le coach qui a fait de la différence avec une équipe de merde, là. Hey, man, good luck, là. Ben, c'est ça. Si t'as pas d'équipe en avant du coach, t'as pas à avoir le meilleur cuisinier du monde si t'as un plat de marde devant toi. Tu vas juste faire de la marde avec. Je suis sûr que c'est bon coach. Voilà, c'est un affaire-là de Babcock là, qui est comme genre là, style God. Là, te dire, là, c'est comme. Bienvenue dans notre podcast. T'as un peu, là, Chris. Dans le fond, je vais juste dire Big Cock en onde. C'est juste ça. Oh, c'est pas grave. Alors, passons au match numéro 2 d'abord. On est juste au match 1, là. Ouais, on tente. C'est pogné 10 minutes sur le match 1. On est rendu qu'on parle de Babcock. Mais sérieusement, si tu veux continuer de parler de Big Cock, il n'y a pas de trouble. Je te dis, Dave, c'était en playoff, c'est les émotions. Celle-là de Souban, celle-là de... Devante. Devon Dudley. C'est du profilage racial que tu fais là, Mart? Ben non, aussi. Je sais que GF aime les Big Cock, fait que... Mais pas les Portugais, par exemple. Non, j'aime mieux Kellogg. OK, c'est bon. OK. Match numéro 2, on a gagné 2-1 en prolongation, c'est bien ça? Il y a un cock sur la boîte, il est vert. Ah, OK. Non, peu importe, on... Je quitte le studio à l'instant. Game 2. Game 2. On a gagné. On a gagné. En prolongation. Là, c'est le début de Galchenyuk. Le but de Galchenyuk. Le seul beau jeu de Galchenyuk en playoff à date. Mais il en a fait deux beaux tirs aujourd'hui, mais tu sais, calvaire. Il a tellement de talent, man. Je peux pas croire. Il est pas finisher en tout. Il est pas finisher, il est pas rien présentement, man. Il fait des passes. En manque de confiance. Je te dirais qu'il y a bien des joueurs de CH qui sont en manque de bien des affaires. En manque de confiance ou en manque de vouloir, man. Parce que ce qu'il faut. En manque de vouloir. Je pense que c'est en manque de confiance parce que manque de vouloir. Je peux pas croire que le gars s'étende plus, tu sais. Je comprends pas, là. J'ai peur d'avoir mal. Que les joueurs pourraient vraiment être en manque de vouloir dans les playoffs. Ça me rend pas dans la tête. C'est ça le but d'une saison. Ah, je suis émotif. Ben moi aussi, là. Ça me choque. Mais on les voit jouer, puis on se dit qu'ils sont en manque de vouloir, mais c'est quoi le vrai le problème? Le top 6 a peur d'avoir un mal. Là. Ils sont jamais premiers sur le puck. Non, mais puis c'est les Canucks qui ont sorti sa jupe, Patrick Ritter blessé. Ils sont jamais premiers sur le puck, puis les jeux, là, ça crève tout le temps sur le bord de la bande. Ils s'en vont se coller sur le bord de la bande. Ils payent pas le prix. C'est pas compliqué, le jeu est mort dans l'œuf, Ils sont pas capables de s'ajuster. Ils essaient de rentrer à la ligne bleue, ils font pas du jump and chase, ils ont peur de aller dans les coins. Ça me surprend bien gros parce que Plekanec, c'est sa spécialité, faire du jump and chase. Ouais, mais quand ils font de la style jump and chase, ils vont pas chercher la crise de puck dans le coin, ils ont peur d'aller dans les coins. Non, non, ils font un jump and chase puis ils font un change-up. Ouais, mais ça, c'est normal, ça, qu'ils fassent un jump and chase pour un change-up. Mais non, mais c'est parce qu'à un moment donné, quand ça va juste dire qu'il est sur la glace. On n'a rien à dire, je pense, à Game 2. J'ai pas calculé le temps. Non, à part que Hammond, on a vraiment vu que... On a brisé le... Ouais, lui, on n'a pas parlé, c'est vrai, là, Chris. Lui là, la balloune dégonflée. Comme Dave a très bien dit sur Twitter, le Hamburglar avait l'air de grosse douceur. Là. Ah, il avait l'air de grosse douceur, certain. Ce qui a valu à Dave le tweet de la soirée. Alors, voilà. Le match 3 qu'on a gagné 2-1 en prolongation, qu'on ne méritait crissement pas de gagner. Le match 3, là, on aurait dû perdre ça, là, pour vrai. Ben, la deuxième période, ça, c'est pas les deux goals de Weeze. Ouais, on était vraiment mardeux de gagner cette game-là. Et puis, c'est un crise de goal, le premier, là, dans le fond, pogner le puck dans les airs, la crissée à terre, puis shotter, c'était un beau but. Le deuxième, lequel là? Celui qui a pogné à deuxième, c'était un peu chanceux. Le deuxième but, là, dans le fond, Craig Anderson était blessé de la main droite, puis quand il a shoté, c'était du bord du blocker. Anderson, il a même pas pantoute bougé le bras. Le point faible d'Anderson, selon ce que j'ai lu, là, c'est le côté blocker. Puis on n'a pas réussi à capter. C'est un point faible pour bien des... Ouais, blocker. Côté blocker, c'est un côté plus on facile. On aime bien ça, shotter sur le logo des sénateurs. Ah, man, tu sais, dans le plastron, man. C'est dégueulasse. Ah, le plastron. Manque de confiance. Ça, c'est quasiment comme un tir à côté du net, ça. Ça compte pas. Ben non, parce qu'il y a bloc, il y a gel tout de suite. Ça donne pas de retour à rien. Ça sert à rien. Un tir bas, là, dans les derniers games, des tirs bas, genre d'impad, il y en a pas beaucoup avec des retours. Puis je serais curieux de voir combien de tirs que Pacioretty a eu dans les deux derniers games. Si bon, pas gros, laisse-moi te le dire. Il est assez. Les deux derniers games, ça doit être deux tirs. Il y avait 5 games à la dernière game. C'est 5 games, 5 tirs. Dans les deux dernières ou dans la dernière? Dans la dernière, il me semble. Fait que c'était 5. Ouais, mais 5, on avait 40 quelques tirs, là. Puis on a eu 6 minutes de c'est power play, là. Ben, c'est pas méchant. Ben, le power play est ça dégueulasse. Dépend, ça dépend. Il vient de... Tu sais, Souban, là, sur 40 tirs, il doit en avoir 20, mais même, tous des astuces de la pointe qui servent à fuck all, man. Ben non, parce qu'ils vont tous se coincer. Ben, c'est parce qu'à un moment donné, c'est plus comme... Tu sais, oui, les tirs, c'est beau pour tout ça, mais c'est les occasions de marquer. Je veux ouais, dire, non, c'est ça. Les tirs de Souban, trois quarts du temps, ce que ça fait, ça fait un bleu au joueur qui le bloque. T'as il y a un joueur qui a sa main. C'était pas mal ça. Ben, c'est ça. Puis ça fait, ça, il a fait un bleu, puis il va être à la prochaine game, puis tout va être bien correct. Là, match numéro 4, qu'on a perdu 1-0, une vraie honte, ça, Calis. Perdre 1-0 en playoff, ça fait chier. Surtout quand t'as Price qui te laisse juste passer un but, là. aidez-le donc un peu, Carlis. C'était pas une mauvaise game, je te dirais, jusqu'à temps que la moitié de la deuxième période commence. Après ça, ils ont arrêté de jouer. Je sais pas ce qui s'est passé. Mais... Ils ont voulu protéger l'avance de 0-0. Je pense à ça aussi. Là, les autres games, là, juste avant, là, qu'on n'a pas parlé, là, c'est l'aspect physique. Là. Christ, que ça bûchait en hostie. Là. Mais des premières games, là, Smith Pelly a fait sa présence. Le mal, fan là. De mise en échec que je suis, puis Drew Robbins, tout ça a été rassasié. Là, parce ouais, que vraiment, ça brassait, là. Jamais je m'aurais attendu à une série aussi physique que ça. Contre les Sénateurs. Les matchs, c'était comme. Si on dirait que c'était deux équipes. C'est presque aussi physique qu'une série contre les Blues. Calvaire, c'était. Ça, c'est fou. Vrai. C'était mais fou. Ils font moins peur. C'était ouais. fou. Ouais, mais il patine en tabarnak puis ça rentrait au poste. Ah, mais c'est le même genre de jeu un peu. Je veux dire, c'est une équipe rapide quand même. Là, la game qui a rentré Chris Neal, justement, là, tabarnak, ouais, là, ben là, ça revoit. Ça n'a pas duré longtemps, Chris Neal. Hein, il s'est fait débarquer à soir par il faisait juste ça. Il faisait juste ça, il faisait rien d'autre. Ben, il s'est pas mis dans le trou. Non, il a c'est bien fait que... ça. Moi, j'ai dit, il a pas fait de bonne game. Mais il n'apportait rien à son équipe non plus. Non, mais j'aurais pensé qu'il aurait fait... Perdre moi les Sens, Chris Neal, l'alignement qui arrive. Ouais, non, il a été cochon. Il a été correct. Il n'a pas nuit à l'équipe tant mais que ça. Il n'a pas nuit, mais il a pas aidé, mais il a pas apporté à l'équipe. Mais à part la première game, que vraiment. Ben, il a pas apporté. Il a donné un peu d'énergie, mais tout, après toi, ça. Toi, tu penses qu'il n'a pas apporté, mais il a peut-être joué dans la tête des joueurs du CH d'être dans l'alignement ou ça se peut. Je veux dire que ça jouait tranquille en esti autour du net quand même. Le monde est tranquille. Le monde est tranquille. Moi, j'ai trouvé. Je lance des dîners. Non, parce qu'il n'était pas là à soir, puis je veux dire. T'es chiassant. Ouais, mais à soir. On chie pareil dans. Ouais, mais à soir, les Suns, ça n'a pas joué physique non plus. Là. Non, ils ont fait le jouer Jean-Gabriel Pajot. Peut-être, mais je veux dire. Jean-Gabriel Pajot jouait physique à soir. Mais non. Jamais compris. T'as comme entendu deux affaires. Non, moi j'ai trouvé que. Ouais, non, mais je vais juste dire qu'il faudrait pas trop mentionner le nom de Jean-Gabriel Pajot parce qu'il y a des commentateurs à TVA Sport qui pourraient venir dans leur culotte en ce moment. Là. Pourquoi il est tout le temps en entrevue tabarnak ce gars-là à TVA Sport? Ils prennent-tu pour les scènes TVA Sport, Calis? Ils parlent français. Pourquoi ils interviewent pas les joueurs de siège? Ils ont trois joueurs qui peuvent prendre des scènes. Lui, Carlson. Non, il y a Method. Mais Carson, ils prennent des fois. Là. Non, mais pas parce avec que l'anglais, Carson, Renaud Lavoie. Il parle français. Fait que t'as Method, t'as Pajot, puis t'as Chiasson. Chiasson, il est pas assez important. Fait qu'ils prennent Pajot. Chiasson, il est pourri, Calis. Ils prennent Pajot, ils prennent Pajot, puis Method. Est-ce que tu veux? Puis Pajot. Mais Calis, est-ce que tu te Pajot? Pajot. Hey, les trois. Pajot, ça fait mal. Ouais. Bon, vous dites, moi, c'est qui mon joueur que j'ai le plus en ce moment? Pajot. Cody Ceci. Juste pour son nom. C'est qui ce calice de jambon-là? C'est une esthétique. Je l'ai. Je le déteste. Je sais même pas pourquoi je l'ai, mais je l'ai. Je les haïs toutes, moi. Non, mais j'haïs Cody Ceci. Cody Ceci. Il est pourri, il me fait chier. Je suis vraiment pas un fan d'Ottawa. J'aime pas le joueur. À part l'homme au donjon, Gagnon, François Gagnon, qui est fan d'Ottawa, là? Qui? Il n'y a pas de grand monde. Peut-être quelqu'un qui aime la pollution. Genre. Non. Il y a un gars, là. Comment il s'appelle, là? Sti, là. Il travaillait au 98.5 Sport le matin. Ah, Michel Langevin. Ben, lui, il était descripteur pour Ottawa, lui. Ah, ouais. Fait qu'il faut le comprendre. Ouais, il est déjà un handicap. On s'en calisse. Ouais, hashtag on s'en calisse. Fait que Game 5, celle qui vient de se produire ce soir, qu'on a perdu 5-1, rien à dire vraiment là-dessus, à part. C'était de la merde, Gilbert a compté, puis c'est tout. En espérant que ce soit un wake-up call. J'espère en hostie, là. Parce que sinon, on va savoir si c'en est pas un. On perd la série. On peut perdre cette série. Ah, c'est sûr, je m'en vais chez Rona, je m'achète une corde, puis je me pends. Il y a pas de corde chez Home Depot en spécial. Entre les périodes, on a vu tantôt que d'ailleurs, il y a eu une conférence de Price après le match, et puis Price était bien calme. Ça a l'air, il est parti dans le corridor, puis il a crié un gros fuck! Fait que Price commence à être en tabarnak, puis ben, c'est peut-être ce que ça prend pour réveiller l'équipe, je sais ça pas. Ça prend de l'émotion, ça prend quelque chose. Tu vois avoir le meilleur goaler de la ligue, il peut pas tout faire. Tu sais, regarde, on aura beau reprocher ce qu'ils veulent. Il y a plein de journalistes tantôt sur Twitter qui arrêtaient pas de reprocher le move que Prost a fait sur Anderson. Ouais. Qui le poking. Ben, c'est comme Anderson mais qui c'est a Anderson cherché ça un peu. Un il peu était jeu. Fait un peu Anderson avec une petite shot en arrière des ben, fesses. C'est ça. Là. C'est Anderson qui a starté le jeu selon moi. Puis j'aime ça, moi, voir ça, parce que Prost, il a essayé de faire quoi? Il a essayé de créer de quoi? Lui il préparait la prochaine game, déjà. Il prépare ce qui s'en vient, puis c'est correct. Moi, je veux voir ça d'un gars de même. On peut-tu arrêter d'être poli, un gars de 3-4 ans? Il est là pour provoquer quelque chose. Je pense que on est dû en hostie pour faire marcher un handicapé dans la chambre, là. Ouais? Ouais, ça serait là. Oh, il a dit Jimmy! Ça tombe bien, porte-manteau, hostie. Il joue pas. Fait que, bon, je sais pas si. J'ai ri comme Félix Séguin. Il n'y a pas grand chose à rajouter sur la game 5. Ouais. La deuxième. Dur avec toi-même. La deuxième est finie. On va rapidement passer sur les points qui me restaient pour le CH. Là. Bon, Beaulieu était blessé dans le match numéro 4. Là. Selon vous, c'était-tu une. Ben, les deux patins ont levé dans les airs. Ouais, ouais, mais est-ce que c'était un coup légal après le hit, là? Ils ont levé après. Non, après. Ben, avant. Le point qu'ils ont fait à la télé, puis je suis quand même d'accord, c'est que le point de contact, c'est la tête. Là-dessus, je suis d'accord, mais les patins ont levé après. Oui. Non, ils ont levé pendant. Ben pendant, c'est normal. Écouté, oh, mais c'est normal. T'as vu une reprise, un impact... OK, attends un peu. Hey. Quand t'as un impact qui fait ça comme ça, il y a bien des chances que ça lève, là. Non. Ben oui! Ça fait... Mettons que ça, c'est le plancher, là. Les il n'y a patins... pas jumpé avant. Oui. Non. Oui. Non. Oui. Bon, ça y est. Et si bon, ça peut être long. Ça peut finir en troisième prolongation, ça. Fais-tu genre oui, non, pendant genre 5 minutes? Non. Oui, non, oui, non. Non. Non. Comme... Non, ben... non, non, ils ont vraiment levé, j'ai vu, j'ai mis pause pis tout, là. Hey, toi, man, tu mets pause souvent. Jeff est commencé par Bell Media. Pause Master. Hey, man, sérieux, man. Non, ça il a levé. Hey, il a levé. Regarde, arrête-moi ça avec ta télé sans fil, là, ça marche pas au gars sur ma petite il a levé, dame, non, il a levé, non. Non, non, non, oui, non, en tout cas, oui, non. Fait que le résultat reste le même. Bon, lui, t'es blessé. Il est commotionné. Commotion, je l'ai checké au ralenti. Hey, puis on vous le dit, les deux, j'ai même eu Vine. Oh... On vous le dit, il est blessé. On le dit live là, soir, à la soirée du podcast. Là. Il y a une commotion. C'est une commotion. Non, c'est non, c'est je une commotion. Je sais pas, je poserais la question en porte-manteau. Ouais, c'est vraiment une commotion. moi, je pense qu'il y a mal au cou. Par rapport à ça, deux mal trucs, là, par rapport à Beaulieu. Non, mais tu sais, a dit, on va le dire comme un peu à la latino, il a mal au cou. Il n'y a personne qui est blessé au cou. Jamais. Fait que t'as rien pogné les nerfs après les journalistes sur les questions sur Beaulieu. J'ai pas l'audio, mais c'était Jeff qui m'avait mis ça. Fait que. Ah ouais, mais il est en tabarnak. Qui ça? T'es rien pour les questions sur Beaulieu. Parce qu'il y a quelqu'un qui a posé une question, puis Mart, il pense que c'est. Je pense que je m'en souviens plus qui me l'a Quentin. Dit, là, mais Quentin. Il pense que c'est Quentin. Ah, c'est Quentin à Parce qu'il a dit, ils ont dit, puis c'est quoi l'affaire avec Beaulieu? Il dit, oh, il y a une blessure au du corps. Puis il dit, la blessure au du corps, c'est-tu plus bas ou plus haut que celle de Pacioretty? Puis là, t'es rien, il a regardé le gars, là, puis il était vraiment en sacrement après lui, puis il a commencé à dire, écoute, là, tu commenceras pas à second-guesser notre équipe médicale, c'est la meilleure équipe au monde, puis tout ça, puis il a vraiment commencé à louanger son équipe médicale. En voulant dire aux journalistes, vous êtes vraiment, vraiment cave, puis dans le fond, il disait ça avec son humour, puis son bégayage, puis son... à la fin, son respirage de gorge trop fort, mais... là, ici, là. Ça, là? Il est mieux de comprendre. Il est sorti une couple de fois. Ah oh, ouais. Puis c'était vraiment quelque chose. Ben, les journalistes, à un moment donné, lâchaient le morceau sacrément avec commotion. Philippe Quentin nous a expliqué pourquoi qu'il se... Tu sais, genre, pour eux, c'est important de poser ces questions-là parce que ça a l'air que c'est un sujet... Il va être dans ma face. Il dit, ah, c'est un sujet de l'heure de la Ligue nationale. C'est un moment important. Les commotions, c'est scandaleux. C'est important de savoir vraiment la nature de la blessure du joueur. Moi, personnellement, je m'en calisse. Il est blessé, il est blessé. Là. C'est... Ben, je pense que, s'il veut pas le dire, arrêtez de demander la question. Là. Ben, je pense que Esti, là, tout le monde là, on l'a. On l'a vu le coup, Esti. C'est quand même arrêté. Mais là, par rapport à ce coup-là, il y a le père de Beaulieu aussi qui est allé faire des déclarations. Lui, là, c'est un Esti total. C'est le père de Beaulieu. Le gars qui le genre de gars qui va battre du monde dans des games de balle molle, ça. Ça, c'est Mark qui est sorti ça l'autre fois. Là. Ça, non, c'est une game de hockey-ball. Ah, oh, encore, c'est encore pire. Une game de hockey-ball, ça brosse, avec son fils. Avec les chevaliers au pied. C'était pas une game de. Genre, une partie de golf. Mais j'ai entendu, moi, c'était une game, là. Ça, là, on c'était passe une game. Il y a une article au sur 25 Stanley, on pourrait vérifier. Moi, ce que j'avais entendu, c'était que St. James, c'était comme un party là, d'une cour là, chez quelqu'un, là. Puis que là, c'était mis à jouer au hockey un peu, tout ça. Puis ça s'est mis à se pogner un peu, puis ça avait viré en crise de gros voix de fesses. Il avait cassé à ailleurs. En tout cas, les journalistes ont été interviewés. Le père à Beaulieu, ça d'ailleurs, les journalistes, tabarnak, vous êtes vraiment en cave. Là. C'était ouais, un hostie de fou, ça. C'est qui c'est les pères des joueurs, quand même. C'est con, je veux pas répondre. Ouais, c'est ça, ils vont aller partout où ils peuvent, hostie. Ça, c'est comme les journalistes d'enquête là, qui vont cogner à la porte des victimes. Ouais, là, c'est qui ça. Genre, un gars dans la corde de porte. Ouais, va y commander. Hey, tabarnak, là. Ça, c'est TVA style. Ça, c'est comme carrément, là. J.E. le pied dans la porte, hostie, là, tu sais, pour pas qu'il ferme au fait contenu, ça, là. Le père à Nathan Beaulieu a déclaré Non, mon fils a pas de commotion. En tête, ben trop dur de faire une commotion. De toute façon, il s'est même pas pété la tête à terre. Comme si la seule façon d'avoir une commotion dans la vie, c'est de se péter la tête à terre, calice, là. Puis, tu sais, je veux dire, il dit en plus. Il dit, je fais confiance 100% à l'équipe médicale du Canadien. Moi, toi, je fais confiance à l'équipe médicale du Canadien. Moi aussi. Mais ça, Montréal, c'est un des meilleurs staffs. Docteur Mondeux était carré. Je leur fais confiance. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de promotion pour autant. Oui, mais c'est sûr, mais ils jouent à carte. Ils disent pas. Ah, mais moi, en même temps, ça ne me dérange pas vraiment. Je veux dire. Mais que Montréal ne le dise pas, c'est normal. Parce qu'ils veulent pas le dire. Ils veulent pas que les joueurs se fassent cogner. Moi, ce qui m'énerve, c'est que les journalistes s'acharnent là-dessus. Ouais, les journalistes. Ouais, mais c'est ça. C'est fatigant. Le script de spécialiste à l'école, là. On n'a pas les outils pour analyser le tout, mais je crois sincèrement. Mais analyse pas, tabarnak, c'est pas les outils. Ferme ta gueule. Non, c'est pour remplir des pages blanches. Moi, j'étais à ma deuxième session de biochimie et selon mes analyses que j'ai faites. C'est de valeur parce que j'aimerais ça qu'Alexandre, ton frère, soit là parce que ça a l'air qu'il y a eu un gars-là comme prof. Son prof, un de ses profs à l'université, c'est le gars qui a interviewé pour la faire des commotions avec Beaulieu. Ouais, c'est ça. Ça a l'air que c'est un douchebag. Mon frère dit c'est un esti d'épelle, gars, ce gars-là, mais en tout cas. Mais vraiment, c'est de la merde. T'sais, moi, quand je lis les sports, je veux lire des choses sur le sport. Je veux pas savoir de la politique. Je veux pas savoir ce que le docteur pense de quoi. Ouais, mais Montréal, c'est de la politique et tout. Là. C'est ça qui arrive. Là. C'est du sport, restant en bout de ligne. Je m'en fous du reste, là, vraiment. Là. Moi, je veux voir. Moi aussi. Alors, sur ça, il me reste 3 mini-points à parler avant d'aller en deuxième entracte. Avez-vous l'affaire des deux fans des sénateurs qui ont été harcelés au Centre Bell et qui se sont fait frapper? Là, ben, gars, venez plus au Centre Bell. Les deux filles là, qui ont eu une loge après ça à Ottawa. Ottawa. Ils ont eu des loges pour être compensés d'avoir mangé une volée. Je sais pas, là. Mais c'est... D'un, c'est vraiment épais pour... Hey, gars, de toute façon, là, je l'ai lu, l'affaire. Ouais, moi aussi, c'était calme. Ils ont juste poussé un peu, là. Tu sais, ils ont peut-être eu ce qu'ils méritaient. Oh, t'as pas gars. D'après moi, c'est un peu. Une bière vidée sur la tête, c'est pas la fin du monde. Puis les gars de sécurité qui faisaient rien. Bon, ça, c'est un PayPal. En même temps, on a vu des images à Ottawa après ça. C'est pas ça. Des fans, des sénateurs qui enlèvent son chandail pour pousser des fans du Canadien. Vous êtes pas mieux à Ottawa. Mais là, c'est ça. Alors voilà. Est-ce que je paye. Ça devait être un gars de Gatineau. Pour aller à Ottawa. Moi, là, si je m'en irais à Ottawa dimanche, puis sacrement, si, là, je pense que j'ai pognerais tout. Un par un. Jeff, il fait un line-up. Ah oui, il est tout après l'autre. C'est pas compliqué. Après un bon Mac 67, là. Malette s'en va son doigt. Malette s'en va clearer l'aréna, Asti, man. Ah ouais. Les couches un par un. Je te ferais un spear à tout le monde, là. Je ferais 2-3 lignes de coke. Comme Goldberg. Ting, ting, ting. Asti, j'ai pas lequel? Le spear à Goldberg ou le spear à Rhino avec un Y? Rhino, t'es encore plus violent. Rhino, il est malade. Il s'est fait battre par Sami Zayn. Ah, oh, j'ai gâché un point. Ah non! OK, il me reste 2 points. Puis ça concerne TVA Sport, là, leur diffusion en ce moment. Le temps de jeu de Subban puis Carlson dans le coin de l'écran à chaque powerplay, on sent calisse tellement. Ils l'ont pas fait à soir? Non. Mais ouais, toutes les games avant, ils ont eu des temps de jeu par rapport dans les coins puis des stats qu'on se calisse. Arrêtez-moi ça, ces stats-là, s'il vous plaît. Là. La stat qui était drôle, c'est Ottawa a une fiche de 1 victoire, 3 défaites quand ils marquent le premier but dans la série. C'est comme évident. C'est sûr, c'est une série. Il n'y a pas beaucoup de games de jouer. Le statisticien, je me demande si c'est un étudiant, genre secondaire 1. C'est peut-être Michael Lalancette. OK, on n'en parlera pas trop de ça, mais allez voir le compte Twitter à Jeff Manette puis allez lire les tweets avec Michael Lalancette. Non, je l'ai effacé? Je l'ai effacé. Bon, ben, résumons rapidement. Jeff a fait bégayer un journaliste débutant à la télé. Pauvre gars, t'as même intimidé. Parce que ce qui est arrivé, c'est que... Ben, une affaire, fond, les Manette, journalistes... Manette, tu check ça, là. C'est un bully, ce gars-là. Non, mais il a pas mis, par exemple, son nom Twitter. Il a juste mis son vrai nom. Fait tu sais, pour les journalistes... Il a là... pas mis son nom Twitter, il a mis son vrai nom. Non, mais rien... ça... Hey, c'est rien, là. Ça veut dire que le gars... Le gars, il a un filtre sur son nom. Fais pas ça. T'es un journaliste nouveau, tu vas te faire écœurer. Mets pas un filtre sur ton nom. Check pas ce que le monde dit sur toi. Je l'ai fait ça avec à ma job des fils de noms pour voir si c'est du monde qui parle de notre concession là, puis je comprends exactement ce qu'il veut dire là. C'est la pire affaire à faire, surtout si t'as un tab avec genre surtout si moi je suis présent sur Twitter. Puis on sait que les fans de hockey, ça peut être assez méchant. On a GF devant nous en ce moment. Ben, dans le fond, ce qui est arrivé, je pourrais résumer l'histoire rapidement. Là, parce t'as dit qu'il y avait l'air d'un hostie d'imbécile, c'est ça que t'as marqué ce tweet. Avec le doigt. Mais là, le doigt enlève. T'sais, le doigt te donne le droit de faire ce que tu veux sur Twitter, dans le fond. C'est ce qu'on comprend, là, c'est ça? Mais juste pour comprendre... Multipass. Lui, il dit que c'était gratuit ce que j'ai dit, mais... Malette Multipass. C'est ça, lui, il dit « Ah, oh, c'est un commentaire gratuit que tu m'as dit, lol. » Mais c'est parce que l'affaire, c'est que si vous aviez écouté l'émission... C'est-tu un commentaire gratuit? Ben non, il n'a pas payé pour ça. Il faut comprendre le contexte. Moi, je suis assis, genre, j'écoute l'émission spéciale de TVA de la loterie. Ah, mais t'es pas obligé. Puis, non, mais je voulais savoir qui allait repêcher McDavid. Fait que j'étais curieux de savoir ça. Fait que oh, tabarnak, son je vais l'écouter à TVA, c'est le seul poste qu'il présente. Fait que je vais l'écouter. Fait que là, lui, il est là comme spécialiste de la loterie, tu sais. Fait que, spécialiste de la loterie. Ouais. Ah, il a joué beaucoup juste, sur le 49. Le pire, c'est juste avant, Ciccone commençait à dire. OK, il dit, dans le fond, là, Edmonton ont 10 boules, Toronto a 15 boules, tata. C'est sûr qu'il disait ça de même en plus, 15 boules. Je résume mot pour mot. Puis dans Total Recall, il y a 3 boules. La lancette était là. fait que là, l'animateur, M. Pusiki, parce qu'il était mauvais, là, mais il commençait à dire à la lancette, il dit, selon toi, est-ce que McDavid, est-ce que c'est vrai que c'est le meilleur choix repêchage depuis Sidney Crosby? Ah, je le vois pas dans cette catégorie-là. D'après moi, oui, c'est vrai que c'est un choix assuré comme genre de Stamkos, Taylor Hall, mais je pense pas qu'il est du calibre de Crosby et tout ça. Crosby. Mais pourtant, selon tous les experts de la Ligue, puis si t'écoutes les highlights de Connor McDavid, ils disent que c'est le meilleur joueur repêché depuis Mario Lemieux. OK, ça c'est vraiment assez intense. J'aime ton accent sur le mieux. Le mieux. Ouais, il y a un beau dos. L'autre affaire, parce que dans le fond, ce qui m'écœurait le plus, là, c'est qu'il parlait de Jack Eichel, puis il disait « Ah, lui, il a passé son stage à Boston, au college. » Boston? Et Boston. Parce qu'on était défoncés tous bien avant Boston. Ça dans un à mes oreilles. Puis il était assis de même. Écoute, il avait l'air d'un étudiant, genre, qui portait le saut à son père. Puis j'ai vraiment senti le besoin de dire « Fuck, ce gars-là a l'air d'un asti d'imbécile. » J'ai pas eu le choix. J'ai vraiment, c'était gratuit. J'ai pas eu le choix. J'étais dans mon divan, là. Puis là fais, donc, c'était off. Un peu gratuit. Fuck off. T'sais. Puis tout après, j'avais dit que Nico Ciccone, c'était un has-been. Genre, un tweet par tweet, après 5 minutes, c'était tout envoyé. Très divertissant, puis là, j'envoie le message, puis le gars, il se sent, tu sais, il dit « Hey, c'était gratuit ton commentaire, lol. Bonne soirée quand même, avec un point d'exclamation. » Puis il se met à me suivre, genre, puis il me suit encore, ce gars-là. Il se met à me suivre. Le gars, tu l'insultes, puis il te suit après ça. Il me suit sur Twitter. Non, fait mais que il tout veut ce que voir je... quand il l'insulte. Il veut probablement, savoir. Probablement, mais il me suit encore, là. Fait que là, finalement. J'espère qu'il nous écoute ce soir. Salut, Michael. Salut, Mike. Non, il n'y a pas d'internet. T'es pas invité à jouer ce podcast. Calva. Qu'est-ce qu'il a dit? Il n'y a pas internet chez eux, il est pauvre. Il s'est pas payé, il est comme dans un stage. Mais selon Rick Lavallée, les gens TVA Sports sont pas payés à leur juste valeur. Ben Chris, ils doivent pas avoir une scène parce qu'ils valent pas grand-chose, je te dirais. Malheureusement. Alors voilà. Fait que là, j'écoutais LCN. Parce qu'après m'envoyer ça, j'ai dit, bah, Chris, il est bien là, m'envoyer ça. Puis là, je me sentais comme un peu insulté qu'il m'écrive ça. C'est qui, lui, pour me répondre à mes tweets? Moi, je fais ça pour le plaisir. Il est un journaliste, c'est qui, lui? Fait que là, j'écoute LCN parce que LCN, tu sais, c'est au demi-heure. Puis en direct, on commençait à parler à McDavid, mais à lui pour lui poser la question. Il dit comme ça, Edmonton ont le premier choix. Puis le gars, il était vraiment de même. Puis il dit oui, ont le premier choix. Puis je sais pas s'il bégayait à cause de ce que j'y ai dit. Fait que là, je me suis senti mal. Fait que quand je t'ai. T'as ébranlé sa confiance, fait même. Que là, j'ai comme répondu à son message privé pour lui dire ben, tu sais, dans le fond, excuse-moi, dans le fond, je vais pas te faire de peine, tout ça. Il faut remords, là. Tu sais, je sais que c'est pas facile ce que tu fais, puis tout ça. Puis il m'aurait dit je vais t'avouer que ça m'a vraiment fait de quoi. Dans le fond, Malette, il y a un grand cœur. Il y a un grand cœur, mais il fait bégayer des journalistes à TVA Sports. Non, mais dans le fond, c'est... moi, je suis émotionnel quand on parle de sport, puis on l'est tous, c'est normal, on est tous des partisans passionnés, mais c'est juste qu'à un moment donné, je veux pas blesser personne, mais comme ce gars-là, j'ai comme senti qu'il y avait l'air. Je veux pas blesser personne, mais à part un bon coup de poing sur la gueule, ça, c'est pas grave. Là, genre, ben, ramasser les fans d'Ottawa. Quand tu le cherches, dans le fond, je rends service aux autres aussi en même temps. C'est parce qu'à un moment donné. Non, mais c'est parce que le problème au Québec, dans les médias, là... Tabarnak, man, t'es comme Dieu, toi, là. Non, non, c'est parce que le problème au Québec, dans les médias, je trouve sincèrement que ce monde-là se pense vraiment au-dessus de tout le monde. Ils vraiment, sont dans les médias, calice. Ben oui, mais c'est pas parce que t'es dans les médias que t'as la vérité absolue, Chris. Si t'es dans les médias, t'as plus de chances d'avoir la cave que moi. Ben oui, mais c'est sûr. Si oui, toi, je te mets à la place de la lancette, là, tu fais tes calls, là, si aux médias, à TVA, là, sûrement que t'aurais une gang qui ferait tout comme « Hey, le cabochon, non, man! » Je callerais pas le monde à TVA, puis je serais jamais journaliste, parce que pour moi, non, je sais, mais sport, si tu l'étais, c'est facile. C'est facile de bâcher sur le monde qui ose écrire un papier pour 100 000 lecteurs ou 100 000 auditeurs. Si tu serais bon dans ce que tu ferais, je bâcherais pas sur toi, là. Ben oui, mais il commence. Écoute, tu bâcherais-tu sur Gandhi, toi? Mais non, mais Gadi. Et Ciboire. Tabarnak. Pourquoi je bâcherais? Ouais, mais Gadi a commencé. On parle de Gadi quand il avait 20 ans, mettons. Là. Gadi, là, quand il avait 20 ans, il plotait des filles. Il a ce type à un moment donné, il s'est dit, j'en plotterai plus jamais. Ben, c'est ce qui est. Ben Chris, il a évolué, tabarnak. Marc, tu devrais écrire la biographie de Gadi, je pense, ça m'intéresse. Ce que je veux en venir, c'est que les journalistes. À 20 ans, Gadi, il plotait des filles. Ta version de Gadi a l'air écœurante, on dirait un film porno. C'est ça, man. C'est ça. Il s'est pogné le sac. Il s'est dit un jour, moi, je ne poserai plus jamais mon regard sur les organes génitaux des femmes. Ça, c'est le prologue de Total Recall moins un, genre. Mais ce que je veux en venir, c'est Total que... Recall. Là, ça se dit moins bien après. Bob McKenzie, tu sais, tous les Aaron Ward, Darren Dreger, c'est pas du monde qui se font écœurer ben par les réseaux sociaux ou par d'autres personnes, parce que ces gars-là, quand ils parlent, au moins t'apprends de quoi. T'sais, c'est des experts, c'est des sérieux. Ils sont établis, eux autres, là, tu sais. Ben, là, c'est ça le problème. Toi, tu pognes, lui qui arrive, Chris, il arrive de Radio Côte-Nord, puis il vient de se trouver un job à TVA. Tu sais, c'est comme, Calis, hey, ce gars-là, là, j'ai checké, là, il travaillait avant, genre, là, dans le bout, hostie, du Saguenay, là, tu sais. Non, je sais, mais ce gars-là, là, le problème, c'est que justement, là, à cause qu'il a la tête enflée, puis qu'il se pense pour un frais, là, quand il s'en va en entrevue à quelque part, il tasse le monde. Je suis Michael Lalancette de TVA Sport, tassez-vous, je suis pressé. C'est ça qui fait. T'es peut-être un peu jaloux, man. Je suis pas jaloux de ça, je trouve ça chiant. Oui, les gars, je pense qu'on a fait le tour de ce sujet-là. C'est comme trop d'important. Non, pour non, Michael mais fuck it, hostie. Ouais, puis fuck you, Michael Lalancette. Puis fuck you, Michael Lalancette, à fond, Chris. Je vais te backer là-dessus. Donc là, avant d'aller faire la troisième entraque, un dernier point par rapport à TVA Sport, c'est mon frère qui m'a remarqué ça, puis il faut qu'on en parle, là, par rapport à la mise en onde de TVA Sport. Il y a eu l'autre fois. Non, mais il y a eu l'autre fois avant le game dans un entraque. La mise en onde en général est mauvaise. Il y avait un panel, OK? Il y avait genre Théo, tu sais, puis Bergie, puis ce monde-là. Ça, c'est pendant la game, genre? Je pense que c'était avant le game ou peut-être dans l'affaire avec McDavid ou quelque chose de genre. Il était assis devant une table, mais leur chaise était tellement haute qu'il était assis plus haut que la table. Genre, les genoux, on les voyait. Fait que t'avais Théo assis avec son calice de soutelette à TV, là. Puis tu voyais la craque de son veston ouvert avec la cravate qui descendait, puis ses petits pantalons, puis tabarnak, baissez vos sièges, qu'est-ce que c'est ça? Ils sont assis plus haut que la table! Fait que tu voyais les genoux puis les cuisses. On s'entend-tu que c'était une table à café, esti, là? Non, il était assis calissement haut, là. Ouais, mais Chris, pour que tu voyais les genoux, faut que tu sois haut. On s'entend-tu que si tu me vois les genoux avec la table ici, je couche pas à terre? Mais tu sais, il y avait genre une table à café, une petite table à café cheap, là, comme dans Ding et Dong, là. Table à café cheap. Puis des sièges, comme tout le monde en parle, super haut, là. Fait que le suit là, à Théo est encore apparu à TVA Sport cette semaine. Il a encore flashé son suit. Et voilà! Bon, ça y est, Jeff va sortir le doigt. C'est que c'est violent. Un gros moins à la réalisation de TVA Sport. C'est vraiment mauvais votre affaire. Puis on doit vous endurer pendant 12 ans. Ayez pitié pour nous, Seigneur. Là, ça prendrait l'affaire du gars là, qui fait le... L'affaire de la brebis, là. Style, là, le gars qui a fait des commentaires, là. Raphaël, comment il s'appelle? C'est quoi son nom? Mon Dieu, de qui tu parles? L'homme de couleur! Kevin Raphaël, Kevin Raphaël, c'est ça? Je sais plus, un laïcien, là. Laïcien qui fait le commentaire sur l'humoriste. L'humoriste. Ben, ouais. Ça prendrait soit ça ou le gars de l'évangile en papier, là, peut-être. Fait que sur ça, on va aller faire une deuxième entrée pour vous revenir pour la troisième période. On est de retour pour la troisième période. Ah! Ouais. Okay. Et c'est maintenant le temps de faire le tour de la Ligue nationale. Fuck off! Around the NHL. Pour une fois que j'ai réussi à le dire dans la saison sans me tromper, est-ce que... Ah, c'est ça, on va te fucker. Alors, commençons maintenant avec une bonne histoire de Coco, parce qu'on aime bien ça ici, parler de Coco. Jared Stoll des Kings arrêté à Las Vegas pour possession de cocaïne et de MDMA. Ouais, bravo, mon ça gars! Ça va bien en crise pour les... Ouais, bravo! Ça va bien en crise avec les Kings, hein, dans les dernières années. Tout d'abord, on a eu l'autre, là. Un batteur de femmes. Voinov, le russe, là, qui battait sa femme, là, avec du tatou en background, là. Ouais, puis Chris, là, t'as Jared Stoll avec la coke puis de la pellule, là. Ouais, c'est ça, mais Chris, Vice City, man. Des drogues de synthèse. Des drogues de synthétique. De la synthotique. T'es un batteur de femmes, un sniffer de coke. La synthotique. Je sais pas qu'est-ce qui manque avec les... Les Kings, mais. Il va manquer un meurtre bientôt. Ils sont un suicide. Ils sont en LA, tout est permis, là. Il manquerait Mike Ribeiro, est-ce que c'est. Paradise City, est-ce que c'est. Let's go, tu peux man. Ta femme, welcome faire to the jungle, ligne, est-ce que c'est, man. Tu débarques là, Chris, t'arrives de Russie, man. T'amènes ta chicks, t'as bois un peu. Tu fais un peu de à l'hôtel. Tu fais une petite track. Sprague Pellet. Un pack de poudre, Asti. Un peu de Sudafed. Deux, trois Gatorade. Deux. Un peu de poudre. Du Césurp. Un peu de Césurp, là. Bat ta femme césurp. Encore. Ouais, Césurp, c'est les rappers qui boivent ça aux États-Unis. C'est du quoi? C'est du Césurp. C'est genre du sirop à codéine avec genre du Red Bull pis des bonbons Jolly Rancher dedans. Oh my god, j'en veux un, man. Les rappers aux États boivent ça. J'ai du sirop à codéine chez nous, je me fais ça à soir. Alors on finit le podcast et on s'en va chez Dave. C'est quoi ça, on met ça genre avec un Stinger, mettons? Yes, ouais. Sacrément, ça va. Moi, un Stinger, là, tu me parles pas. Ah non, c'est bien. Dave aime pas la crème d'amande. Yark. C'est bon, Stinger. Crème d'amande. Ouais, je dis pas ça. Ça goûte la bonne cannelle. Non, parce que quand t'es sous à ça, t'as la bouche verte, comme. Ben, au moins, l'avantage quand après tu ça, la pâle, le style, la blanche. Là, ben ouais, la bonne. Ben non, mais l'avantage quand tu te saoules au Stinger, c'est que Christ, au moins, tu pues pas de la gueule. T'as une bonne haleine de menthe. Non, mais tu sens le fond tonnant. Tabarnak. Quand tu oui, mais t'as c'est pas dégueulasse. Ouais, c'est sûr, man, sans menthe pour éveiller. Ben, dis, déjà là, une brosse au cognac, on s'entend-tu que tu prends comme un mèche en bosse ou là-dessus? Une là? Brosse au Jameson, on y reviendra. Ah, en fin de saison, peut-être. On y reviendra en fin de saison. Je pense qu'on y reviendra peut-être. Je pense que non, moi aussi. Jeff en est jamais revenu, je pense encore. Il est encore sous de cette fois-là. Ouais, j'étais affecté. Il se rappelle de deux choses. Plus de KFC, plus de Jameson. Vomir dans son char. OK, bon. Ouais, prochain... ça, même encore, il essaie de passer par ouais, c'est ça. Prochain point. Facile. Le dernier match de la saison à Toronto, il y a eu un hymne national à la guitare que j'ai pas en audio, mais tabarnak, c'était l'enfer. C'était à la saison. J'ai même pas entendu, Asti. À l'image de la saison des Maple Leafs, là, tout croche puis n'importe quoi. J'en ai entendu parler vraiment gros, j'aurais aimé ça de l'entendre. Le gars, il faisait son esti de solo, tu savais même plus de quoi qu'il jouait, il était ben trop dedans, tout le monde avait honte, c'était l'enfer. Il essayait de faire, je pense, comme le solo, comme l'hymne national canadien, mais à la version Jim Hendrix. Quand genre fait, là, le... mais tu sais, un peu comme la saison des Maple Leafs, tout le monde avait honte, tout le monde voulait se cacher, c'est l'enfer. L'enfer. Eh ben. Bon, ronde de congédiement dans la Ligue nationale. Peter Chiarelli, Ted Nolan et Craig Berube ont perdu chacun leur poste. Chiarelli, c'est trop. Chiarelli, on va en parler tout après, là, mais ouais. Mais le gros ménage à Toronto qui est commencé aussi, là, voilà. Il y a une affaire que j'étais pas sûr à Toronto. Le kid de 27 ans là, qui s'est compté jusqu'à 5, l'ont-tu mis dehors, ce gars-là? Qui le spécialiste qui est de Corsica. Michael Lancette? Non, je ne sais plus quoi son nom. Le spécialiste du Corsi. Il a un jeune de 27 ans là, qui s'en a l'air. Ah ouais, un genre de Wiz. Ouais, c'est ça, il s'est compté. The Wizard? Ils ont juste mis dehors l'équipe de management qui était Claude Loisel et compagnie, je pense. Hein? Bon, on n'a pas les détails là-dessus. Ils ont mis dehors le DG, bref, Dave Nonis et compagnie. C'est ses adjoints, genre. Mais ça, c'est l'autre, lui qui est un ancien préfet de discipline. C'est-tu qu'on est pris? Il est connu de. Hey, là, je m'excuse, mais en ce moment, il est minuit et on écoute une game avant de faire le podcast. On est chaud un peu, là. Shanahan, c'est lui qui a tout congédié le monde. Là. Ouais, c'est lui qui a tout. Ça ne me surprend pas qu'il ait fait de le ménage. Ben lui, il a fait un an en retard. Il est pour ça, là. Il a fait un an en retard. Ça fait un an qu'il est là. Oh shit. Ben non, mais c'est ça, mais il a scrappé une saison. Ouais, mais scrapper quoi en même temps, là? Il a scrappé dans le fond du déjà scrap. Puis le pire dans tout ça, c'est qu'il y a quelqu'un qui a sorti une information, un journaliste, je ne sais plus de quel réseau. Ça a l'air que quand ils ont fait le tirage avec les boules, quand il restait une boule à tirer, les Leafs avaient la plus grande probabilité de gagner la loterie de Connor McDavid. Finalement, la pire équipe, c'était Edmonton. C'est eux qui ont eu la boule. Ben justement, on va aller justement sur le cas d'Edmonton avant d'aller sur le truc de Corey Perry, c'est pas comment dire. Connor McDavid. Parlons du départ de McTavish. Bon, bonne affaire. On a demandé son départ toute la saison. Nous autres ici, on... McTavish. Avec l'arrivée de Peter Chiarelli qui n'a pas pris de temps avant de se retrouver un autre job. Peter Chiarelli! Peter Chiarelli qui est maintenant considéré comme l'homme fort des Oilers. The fuck, c'est quoi ça, là? Hein? Ben, Chiarelli, ça va peut-être... Ça, honnêtement, je pense que ça peut juste faire du bien avec les tu peux Oilers, pas dire que t'es l'homme fort d'un team si t'es pas dans l'équipe qui joue sa glace, ça, là. Qui c'est qui a déclaré ça? J'ai vu ça plein de fois passer sur Twitter. Le mec, Tavish, ça marchait pas. Chiarelli a quand même fait une bonne job avec Boston. Mais là, il avait pas joué de faire le ménage à Edmonton. Il a fait une bonne job, mais il a comme scrappé sa carrière. Il a scrappé avec, à la fin en échangeant. Ben, c'est game. Il a scrappé l'équipe. Il y a eu tout le dernier... C'est pas qu'à scraper l'équipe. Parce qu'il a bâti le club, ils ont gagné une coupe, se sont rendus en finale de la coupe, mais il n'a pas été capable de gérer le reste qui s'en venait après, c'est-à-dire le plafond salarial, puis les échanges après. Ouais, je pense que l'échange de Boychuk ne l'a pas aidé non plus. Là. Je veux dire, c'est comme... mais non, parce qu'il n'était pas capable de gérer son plafond salarial. Eux autres, ils ont comme prié les dieux du hockey que le plafond salarial aurait augmenté. Finalement, il n'a pas augmenté, il a augmenté d'un million. Fait qu'il a comme été dans la merde, fait que c'est pour ça qu'ils ont perdu Boychuk. Mais je veux dire, je pense pas que Chiarelli peut faire plus de tort à Edmonton que McTavish il a, en a fait. Il va être bien meilleur que McTavish, bon, ça, je peux ça, vous le garantir. Ça, clair, ouais, il va mieux s'entourer, il va amener son personnel à lui. Il va, ben, la question qui est... Ouais, parce qu'Edmonton, ça faisait longtemps que ça s'agit d'engager Claude Julien. Ben, c'est ça que je me demandais, dans le fond, parce que vu que Claude Julien... pas sûr qu'il va rester à Boston. C'est quand même spécial, pareil, parce qu'il venait juste de donner un contrat de 4 ans. Il vient, c'est 4 ans, ouais, pour un peu montant en plus. Ouais, il a fait juste la merde après ça. Un coach, ça se tasse tellement facilement. Là. Ben, c'est ça, mais ce que je me demande, c'est que est-ce que Boston coach, s'en départir? C'est un pion, en réalité. Oui. Ben, ça dépend qui c'est qu'ils vont mettre comme DG. Je sais pas encore, parce qu'il me semble qu'il n'y a pas grand DG disponible. Le DG, c'est le DG qui s'en vient, qui va choisir. C'est bon pour nous autres, ça, man. Non, mais le prochain DG à Boston va choisir s'il continue avec Julien ou pas. Là. C'est après ça. Moi, non. Là, mais bon, peut-être que, peut-être que Cirelli pourrait poser la question à Neely pour lui demander est-ce que j'ai le droit de négocier, de parler à Julien et lui offrir un contrat à Edmonton. Eh hey boy! Ça pourrait arriver, peut-être. Ça pourrait. D'après moi, pas sûr, c'est le meilleur d'après coach. D'après moi, il y a un nouveau coach. D'après moi, il y a une nouvelle. Quand l'autre va arriver, le prochain à Boston va arriver. D'après moi. Tu sais, Julien, il va comme crisser le camp au fight. Là, ça il va lui donner style, peut-être là. Une petite chance, mettons, pour commencer. Ben, c'est ça, il va lui donner comme sa petite chance, voir comment que ça marche. Puis là, je suis sûr, ça va se poigner les deux, bang bang, aussi, pour au fight, il n'est plus là. On va voir, dans le fond. Dans le fond, c'est ça. Ce se peut aussi. Je serais curieux de voir c'est qui va remplacer Cicciarelli à Boston. Parce qu'il me semble qu'il n'y a pas de DG disponible. Cicciarelli? C'est quoi son nom? C'est Cicciarelli. Cicciarelli. Il y a un siège de trop là-dedans. Toi, tu seras pas avec Cicciarelli. Ouais, Dino Cicciarelli, il était bon. Les North Stars, nice. Mais je sais pas vraiment quel DG pourrait faire la job à Boston. Honnêtement, il n'y a aucun candidat qui me vient à l'esprit présentement qui est disponible. On aucun. Sortir aucun. Quelqu'un pour mais il n'y a pas. Ouais, on se dit Jacques Martin. Ça te dérangerait pas. On rit tous. Oh! j'aime ton, la façon que Pierre tu l'as Gaultier, apporté. Il n'y a pas Jacques Martin. Un petit rire des invoques. Mais pendant qu'on est sur le cas d'Edmonton, les Oilers qui ont encore une fois gagné la loterie du repêchage. Ils ont gagné en quoi? 2010, 2011, 2012, 2015, quelque chose de genre. Là. Ouais, ils en ont 4 au total. Si, ça va faire. 4 des 5 dernières années. C'est n'importe quoi. Là. Mais c'est ça, je serais curieux de voir plus ce qu'ils vont faire. C'est sûr qu'on va les pogner, McDavid. Non, je veux dire, mettons, parce qu'il faut que tu t'améliores d'un côté. Faut que tu te débarrasses de quelque chose aussi, par exemple. Tu sais, il faut que tu aies un goaler, il faut que tu aies un défenseur, parce que Petrie, ils l'ont donné à Montréal, là, on s'entend là-dessus. Là. Je pense pas qu'il y avait pas, Non. Comme goaler, là, eux autres, il n'y a pas longtemps, il n'y avait pas. Dominic. Qui est présentement un candidat au trophée visiteur. Ouais, on va en parler tantôt, mais ouais. Regarde, c'est nous autres aussi, ben, Montréal, on l'a eu, Dominique. Kevin Lowe qui a été transféré au département marketing. Ah, là? How low can you go? OK, bon, c'est ça. Parce que Kevin Lowe, c'est lui qui était... Il était président des opérations hockey. Fait que là, ils l'ont comme tassé pour qu'il soit président du département marketing. Mais là, Cirelli, il est président des opérations hockey ou il est DG? Il est DG et président des opérations. Okay. C'est ça. Puis, ben, Kevin Lowe, t'avais le, pas le choix. Le gars qui l'a engagé, c'est Bob Nicholson. Puis Bob Nicholson, c'était un membre du conseil administratif des Oilers d'Edmonton. OK. Okay, c'est bon, fucké c'est un ça. Peu cette histoire-là. Bah, écoute, de toute façon, là, l'important, moi, je me disais que McTavish s'en va. OK, c'est beau, mais il faut que Kevin Lowe s'en aille aussi. Il faut que tout le monde s'en aille. Mais Kevin Lowe, ils l'ont tassé pour que ce soit le marketing. Il va vendre des flyers. Attends, de Philadelphie. Yeah, vend des jerseys, vend des passes, fais des t-shirts professionnels. Crisse-moi ça, write down. Ben, c'est ça, je me demande, dans le fond, ils vont-tu faire. Write down. Parce que Cirelli. Cirelli? Cirelli, il a fait. Hey, vous autres, là, en tout cas, je vous le dis à Edmonton, vous êtes write down. Vous êtes write down. Ben, il a fait une déclaration. Il a dit il y a beaucoup de travail à faire à Edmonton, puis il va y avoir beaucoup de changements au cours de l'été. Fait que je serais curieux de savoir vraiment c'est quoi les moves qu'il essaierait de faire. Est-ce que Eberle va finalement être échangé? Non, sûrement pas. Je sais pas, mais parce qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait une amélioration devant le filet, puis ça prend un défenseur, parce que c'est Justin... qui disait qu'il était problématique à Edmonton? Quelqu'un là, qui a vraiment là, comme problème de genre boisson solide, là. Mon Dieu, je sais pas. Attends un peu, c'est pas Yakupov? C'est qui d'un joueur qui voulait échanger bien gros cette année? Ben, c'est ben, pas il y avait Burley qui avait bien des rumeurs sur lui, mais je pense pas qu'il y ait sa boisson. Ça. C'est le coup. Non, mais il y a quelqu'un qui a des problèmes. Ça a l'air que Taylor Hall, il y a beaucoup Taylor de problèmes Hall, c'est de comportement. Taylor Hall, c'est pas la première fois que j'en ai parlé. Mais Taylor Hall, lui, c'est lui qui, à ce qui paraît, que Chris, c'est plus grave qu'on entendrait parler, là, son affaire. Là. C'est un... Ça va vraiment pas bien. Est-ce que Chicharelli va faire la même gaffe l'année passée? Taylor Hall va être fini, je pense. Qui québécois qui sont allés chercher? Ah ouais, fini quand même. Edmonton, ils vont le trader. Non, ça c'est un franc-ontarien. Yakupov puis Taylor Hall, ça va partir. On peut aller chercher un québécois l'année passée, les Oilers. Le seul francophone, c'est Pouliot. Non, il y avait Perron. Perron, mais oui. Ouais, Perron, ils l'ont donné pour la première ronde. Pittsburgh. Ils l'ont donné, mais ils étaient là pareil. Puis Pittsburgh sont dans. Pittsburgh, ils sont éliminés aujourd'hui, ce soir même. Pittsburgh, en parlant de Pittsburgh, man. Aujourd'hui, c'est la fête à Chris Letang. Fait que j'y souhaite pour sa fête une saison complète dans l'éventualité. Une commotion de mon rire, on sait que Letang arrange des choses. Ils sont dans la merde là-bas. Eux autres, ils ont perdu Letang. En début de saison, il y avait Oli Mata, man, qui a pogné le cancer. Christian Eroff. Christian Eroff en tabarnak. Après ça, qui c'est qu'on avait, si Chris, là, t'as l'autre, là, le goaler, qui est pas capable d'arrêter un ballon de plate. Il a donné Simon Després. Simon Després. Ils l'ont donné pour, c'est qui le petit câble, là? Ben Lovejoy. Ouais. Ah, si, j'ai vu une stat tantôt sur Ben Lovejoy. Il était sur la glace pour 10 des 11 derniers buts contre les Pingouins, sacrément. Ça, c'est comme si t'avais donné... Ouais. Ouais, c'est comme si t'avais donné Nathan Beaulieu pour ce gars-là. C'est grave, là. Tu sais, Jim Rutherford, là, je sais pas si tu l'as dans tes sujets. Non, j'ai pas. Mais attends, c'est un gars-là qui a callé out un journaliste dans l'ascenseur. Mais là, ça va pas bien à Pittsburgh parce que le mieux, puis Rutherford, je pense. Non, c'est qui l'autre... Le DG? Non, l'autre, pas le DG, le président. C'est ce qu'on est pris ici. C'est le mieux, le président. Non, mais t'en as un autre. Il y a deux gars. Non, c'est le mieux. Ouais, mais il y a deux gars qui ont des parts dans... Je ne sais pas c'est qui. On ne sait pas on s'en calisse. Ça a l'air que ça va pas mieux, puis ça a l'air que le mieux veut sortir. Ça a l'air que le mieux veut crisser son cadre. Il est rentré bien profond, puis il veut sortir, c'est ouais, ça? Ouais. La mort des poignets, puis il va la mettre enceinte. Puis parce que ce club-là, ils ont même pas une crise de scène. Il a envoyé les œufs, puis... Moi, j'ai aimé... Je sais pas si vous écoutez la radio aujourd'hui, mais Danny Dubé, il a dit... Danny Dubé a dit quoi d'intéressant? Il dit à Pittsburgh, le problème, là, c'est qu'ils n'ont pas assez de bons joueurs. Calvaire, ils n'ont pas assez de bons joueurs. Puis c'est spécial. Matthew McGuire dit ah, mais c'est quand même ironique que vous dites ça. Mais là, le problème. De même, oui, il est-il de même? Ben, je sais pas si c'est fait le beau. C'est la façon qu'il l'a dit. J'ai dit ah, mon Dieu, il devait avoir de quoi de spécial. Mais. Il y a des rumeurs. Il y a des rumeurs que Mario Lemieux, lui, apprendrait. Il y a des rumeurs que Mario Lemieux, c'est une tapette. T'es pas fille, ça. OK, anyway, on va passer à un autre sujet, là, parce que c'est n'importe quoi. Là. Bon, OK. Il me rentre le dos dans la bouche, là, puis tout. Là. bon, il y a eu quelque chose qui s'est passé cette semaine. Que Corey Perry a scoré un but, puis... Katy Perry? Katy Perry qui a été échangé contre je sais pas qui là, contre Nathan Beaulieu là. C'est quoi le trade qu'ils ont sorti cette semaine là, qui a pas rapport là. Hein? Il y a eu un quoi, non, TVA Sport ou un journaliste en anglais ont dit un trade a été échangé contre Cameron Diaz. Contre Cameron Diaz, c'est ça que je cherchais. Ouais, Cameron Diaz contre Gary, Cameron Diaz contre Bravo les journalistes. Mais c'est pas ça que je voulais parler. Cameron Diaz a été échangé contre Dale Weiss. L'audio de ça? Je l'ai entendu, moi, c'est tellement drôle. Moi, je l'ai écouté. Tu sais, parce que dans le fond, il parlait du but de Dale Weiss, puis Glenn Healy parlait en against who this guy has been traded? Cameron Diaz! Cameron Diaz! Ouais, il dit deux, trois fois, là, c'est comme « wow, man! » C'est comme... OK, il pousse à fond, là. Oh, anyway, pousse à fond. Là, Cameron Diaz dans le masque, là, genre, tu sais. Bien. Là, je parle de Corey Perry qui a compté un but, puis Bufflin, il a juste crissé un punch en de la tête après son but. Katy Perry? Oui, Katy Perry, puis Dustin Bufflin, le petit Dustin Bufflin. Là. Non, ben, il a bien fait, ils ont dit ça à Winnipeg. Katy Perry? Ils ont fait un chant à Corey Perry, ils ont dit Katy Perry. Ben, en tout cas... C'est la game qui a fait 4 points, ça? Probablement. Il a reçu un punch dans la tête de Bufflin, puis ça fait tout mon sujet, là. Okay. Bufflin, ben, vraiment, à Winnipeg, là, pour la première fois qu'ils se rendent dans les playoffs depuis leur retour, ils ont là, connu une série 4 défaites marre, en ligne, là. Man. My fait, God. Hey, oui, en fait, les eux séries. Eux autres, là, le Wild Out, là, hein? C'était pas mal ça qu'ils ont vécu. Wild Out. Un grand blanc, c'ti. Très d'en face, le grand blanc, c'ti. Ça leur prend un goaler à Winnipeg. En pleine face. C'est sûr, parce là, parce que l'équipe n'est pas si pire, pareil. Non, non, ils ont quand même. Ils sont gros en tabac. Son cas, là, c'est ça, mais ils n'ont pas de gardien. Parce que dans le fond, une fois que tu as percé les gros. C'est qui leur gardien? Pavlec, puis l'autre, c'est Hutchinson. C'est toutes des. Ouais, mais là, on s'en calisse, là, c'est vraiment Pavlec, le gardien. Andrej? Non, non, les deux, on se sont séparés l'ouvrage. Ouais, mais il a fait le gros de la job à la fin de la saison, par exemple, Pavlec. Ah, mais Pavlec, il était supposé d'avoir une carrière pas pire là, comme une couple d'années, puis ça a comme stallé, on dirait. C'est ça, mais c'est un clan d'Alan Walsh. Fait qu'en partant, c'est eux qui est mauvais. C'est un quoi? Alan Walsh. C'est qui Alan Walsh? Alan Walsh. C'est l'agent de Paranto. L'agent de Paranto. L'agent de Havlat. Price ou Havlat? L'agent de Eliash. Bref, c'est un trou de cul. OK. Prochain point, le 28 septembre 2015, le Centre Vidéotron à Québec accueillera un premier match pré-saison entre les Canadiens et les Pingouins. Puis il y a des mondes qui sont en crise en ce moment par rapport à ça. Cool, c'est quoi cette affaire-là? No abs, no. Il y a du monde qui ne veulent pas que le Canadien soit dans le vestiaire de les Nordiques qui n'existent même pas en ce moment. Il ne sera pas dans le vestiaire des Nordiques. Ils vont être dans un vestiaire dans un vestiaire nowhere de visiteurs. Mais dans un vestiaire d'aucune équipe parce que les fucking Nordiques n'existent pas encore. Ah, mais il y a 30 vestiaires là-dedans. Les Remparts ont leur vestiaire. Il y a 30 vestiaires? Non, non, mais il n'y a pas 30 vestiaire, façon de parler, mais les Remparts... Il y a un vestiaire par équipe de la Ligue nationale. Par joueur. Non, non, mais les Remparts vont avoir leur vestiaire à eux autres. L'équipe des Nordiques, éventuellement, va avoir leur vestiaire à eux autres. Puis honnêtement, le sérieux, le no abs no, là, sérieux, c'est n'importe quoi. OK, on s'en calisse, là. Mettez-les pas dans le vestiaire principal où ce qu'il y aurait les futurs Nordiques, peut-être. Ils ne mettront pas là, c'est sûr. Bon, mais tant mieux. S'ils font ça, je suis bien content pour eux autres. Mais de là à partir, une pétition, no abs, no, pour tout le kit. Hey, il va être fucking... Ouais. L'aréna va être fucking plein, le monde plein, de man. Québec, là... Ben ça, là, c'est tout le monde, là, genre... Hey, j'ai ma petite pelle bleue, hostie, pis c'est moi qui ai creusé le trou, tabarnak. Il y a une poque des Canadiens dans vos fondations, hostie. Et voilà, hostie, qui mange la merde. Ouais. Bon, fait que c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Pas toi, mais genre le monde qui prenne pour le bleu, là. Ben moi, si les Nordiques ça revient, je vais être bien content, man. Moi, j'ai vu les Nordiques. T'étais-tu un fan des Nordiques? Ben oui, j'ai le Québec, esti. T'as aimé les Nordiques? Ben oui. Ouais. Chris Peters, Tachny, man. On le voit, là, il est à la glace en ce moment, Dave. Ça fait partie de mon temps. Ben oui, mais Chris, ça fait partie de ma jeunesse. Ce soir, l'avantage de ce soir. Numéro 21 vient de genre un des joueurs que j'ai aimé bien gros qui a commencé avec les Nordiques, c'était Peter Forsberg. Pas Lindros? Lindros, ça mange une merde. OK, ça a été mon préféré des Nordiques, le seul qui a refusé de porter le chant. Arrivé sa balustrade, fuck it, moi je mets pas ça. moi j'ai aimé beaucoup le nombre de commotions qu'il a fait. On a vu que c'était un joueur fait en fibre de verre, esti. Moi j'aimais Jean Cloutier. OK. Jean Cloutier. Ouais, parce que dans le fond, quand on joue contre nous autres, c'est une passoire. Moi j'ai aimé anyway, Tugnutt, esti. Run Tugnutt. Fait que la période s'achève. Non, Extall, excuse. Run Extall, c'est lui, je voulais dire. T'es tellement mêlé. Run Extall. Hey, tu te mêles dans tes superstars, toi. Run Extall, lui, il te colle ça un coup de bâton dans le dos. Hey, Guard Butcher a joué pour les Nordiques. Guard Butcher. Il y en a pas mal qui ont joué pour les Nordiques. Bon, les gars, j'ai ici les finalistes pour certains trophées de la NHL. Fait qu'on va en parler rapidement. Premièrement, les finalistes cette année pour le trophée Lady Bing, le trophée qu'on préfère ici à la soirée du podcast qui récompense le joueur le plus gay de la Ligue nationale. les trois finalistes pour Lady Bing, Pavel Datsyuk, Jiří Uddler et puis Anze Kopitar. Jiří Uddler, c'est spécial. Je sais pas, je comprends pas. Donne-moi ça à Datsyuk. Jiří Uddler des flammes. Hey, ils veulent ils ont parlé. Ils vont donner à Datsyuk. Il y a qui ont parlé de changer le nom pour le trophée Jean Béliveau. Je serais d'accord, là, pour vrai. Ouais, parce que c'est qui ça, Selke? Mais c'est qui? Non, c'est Lady Bing qu'on Frank fait. C'est Selke. C'est pas Selke, c'est Lady Bing qu'on parle, là. Okay. Frank Selke, c'est un ancien entraîneur des Canadiens. Là. Mais pour vrai, qui était Lady Bing? Pourquoi il s'appelait Lady? C'est qui ça, c'ti? Lady Bing? Mais c'était-tu un homme, ça? Bing Crosby? Lady Bing? C'est quoi, c'est qui, lui? Lady Bing, je sais pas. Bill Crosby ou Bing Crosby? Bing Crosby. Un chanteur crooner. Il aurait pu nous mettre des petites drogues dans notre verre, Bill Crosby. Bill Crosby. C'est une affaire de gaucho, ça, appeler un trophée de même. Probablement, ouais. Pas famille. Je vais vous dire, le trophée Lady Bing, on s'en calisse. Et voilà. Deuxième trophée, le trophée Selke maintenant. Alors voilà. Les trois finalistes sont Patrice Bergeron, encore une fois Anze Kopitar et puis Jonathan Toews, le préféré à Martin. Ouais. Qui va gagner ça selon vous, le Selke? Je donnerai à Toews. Ouais, ben, c'est sûr. Toews, moi aussi. Toews une meilleure saison que n'importe qui là-dedans. Bergeron, il a eu son prix, il était sur le cover de NHL, du pire NHL jeu vidéo du monde. Quoi? Mais non, il était pas. 2015, pire jeu NHL du monde? Selon le sondage. Selon Retro Nouveau, le selon top 25, il est numéro 2. Quoi, croppe la presse? Les chialeux qui disent que c'est poche, ce jeu-là. Moi, je l'ai... Qui mange de la merde? OK, OK, attends un peu. À part que c'est un jeu genre à moitié fini, en tant que tel, tu joues au jeu... La c'est jouabilité rare. Était cœurante. Ouais, les graphiques rare. Sont super beaux, là. Tu sais, je veux dire. Moi, j'aimais ça, mais c'est parce il que. Il manque fond, de mode, mais. Je trouve que le monde chiale. Ben oui, le monde chiale pour. Ben oui, ben on oui. s'en calisse. C'est sûr. On s'en calisse. Troisième trophée, le trophée Calder. Les trois finalistes. Aaron Ekblad, Johnny Gaudreau et puis Mark Stone des fucking sénateurs d'Ottawa. Je trouve ça plate que Mark Stone. Qu'est-ce que Mark Stone fait là? Ekblad ou c'est Johnny Gaudreau. Ouais, c'est Gaudreau qui va l'avoir. Moi, j'irais qu'Ekblad parce que Ekblad, il est jeune en crise. Ouais, mais je pense pas que c'est l'âge qui fait une différence. C'est plus non, la... mais il a été... Non, mais je trouve qu'il non, a mais eu l'impact peu... qui a changé la galerie. Oui, man. Sérieux, là, Ekblad a amené une... dimension complètement différente. Mais pas juste ça. Une solidité à la défensive des Panthers comme ils ont ouais, pas... Mais... Ouais, mais ouais, mais t'as peu, mais Gaudreau, man, il a apporté les Flames en série. C'est ça, mais, ouais, ça, mais attention, ça va être un des deux. Il y a plusieurs joueurs des Flames qui ont contribué. Non, je comprends, mais c'est lui qui est sa first line avec Monahan, Steve, et tout ça. Tu sais, c'est eux autres qui ont scoré gros but, là, pareil, là. Ouais, mais. Non, moi, c'est, ah, moi, ça, ça joue, Gaudreau, moi, ça va jouer entre les deux, c'est sûr. Là. Ouais, Stone n'a pas rapport dans la liste, selon moi. Ekblad, ouais. Peu importe s'il a connu une bonne deuxième partie de saison. C'est plus dur pour un défenseur d'avoir un impact. Un défenseur de 18 ans qui, est aussi, qui a autant d'impact. Ça, Chris, le dernier, c'était qui, là? Le défenseur a gagné le Calder, honnêtement, c'est une maudite bonne question parce que je m'en souviens vraiment. Il n'y en a pas beaucoup des défenseurs aussi jeunes. Je pense que c'est Sandy Sosa Lynch, peut-être. Ça fait longtemps à Chris. C'est bon, là, man. C'est rare. Puis le dernier trophée, en fait, un défenseur habituellement maturité, c'est plus comme fin vingtaine. Là, ouais. Dernier trophée qui a été annoncé aujourd'hui, qui était le trophée Vézina. Trophée Vézina, alors les deux finalistes, Devin Dubnyk, Pekka Rinne, et le gagnant sera Carey Price. Ben pas mal sûr et certain. Il n'y a pas... En tout cas... Dubnyk et Pekka Rinne n'ont pas... Dominé autant que ben Price là, a dominé. Moi, je mettrais Pekka Rinne avant Dubnyk. Là. Oui, mais je mettrais Price avant les deux parce que Price a... Dubnyk, la différence de Pekka Rinne, c'est que il y a un peu à la Price, il n'avait pas une équipe devant lui. Là. Ben, Dubnyk, c'est comme un miraculé, Calis. Oui, mais... T'sais, tant mais qu'à Pekka... ça, tu pourrais mettre Hammond dans la liste. Pekka Rinne, il y avait une équipe devant lui, là. Oh oui. Non, mais c'est il ça. Il y a eu 34, mais tant qu'à dire Dominic, tu de défense d'équipe, aussi, là. Nasty de défense solide. Seth Jones, man. Weber. Shea Weber. Yossi. Il y en a une nasty d'équipe boostée, pareil. Jean Poussy. Roman Josie. Oh, OK. Ouais. Non, mais tant qu'à ça, tu pourrais mettre Hammond. Fallait que je name drop Jean Poussy à ça pour Mathieu Gélinas. Tu pourrais mettre Hammond aussi là, dans l'eau. Là. Non, parce qu'il faut. Tu n'as pas goalé 25 games. Hammond. Mais non, voyons. Hammond ne peut pas être là-dedans. Il n'a pas goalé 25 non, mais games, je veux dire, admettons, là, dans le fait là, d'amener, tu sais, contrairement à Dubnyk, pas contrairement c'est à Dubnyk, dans, mais comparativement à Dubnyk, je veux dire, tu sais, Chris Hammond, il a quand même amené les Sens en série. Là, c'est vrai, il y a ça. Ouais, mais c'est pas dans le trophée Vézina. En tout cas, il n'y a pas de stats qui est importante que ça prend justement genre 25 games. Ah, il y a 22 games, le problème avec Hammond, c'est que Hammond, il a commencé à goaler en février, fait qu'il est peut-être un petit peu trop tard pour être considéré. Il est sûrement trop tard, mais Chris, il a quand même amené. En tout cas, je sais qu'il y a une stats que ça prend. Regarde comment ils l'ont remercié. Pour être comme considéré. Hein? Regarde comment ils l'ont remercié. Ben, ils méritaient ça et tout. Ouais, mais ils doivent pas. Ils doivent rien en même temps. Ils doivent rien parce que lui, c'est, ça, c'est, mais c'est, comme c'est la un fin, gars qui tasse. C'est la fin c'est de la belle histoire. C'est plate à dire, man, mais c'est comme, man, il était minuit sur la vente, puis la citrouille a disparu. C'est pas compliqué. Ouais, c'est ça, puis il y a eu puis Cameron, il y avait une décision à prendre. C'est une belle ligne. Cameron, il fallait qu'il fasse une décision, puis fasse comme, ben, gars, moi, ma prochaine game, c'est. La citrouille a disparu, il a oublié un de ses souliers. Non, c'est pas la citrouille qui a disparu, c'est le carrosse. Si vous connaissez pas vos comptes. Ah, mais le carrosse, c'est une citrouille. Oui, mais la citrouille a pas disparu. C'est le carrosse qui a disparu. Non, mais c'est devenu une citrouille. Citrouille. Il a tout perdu. Tabarnak. On s'en calisse. Anyway, le podcast est fini. Fait que je vais terminer sur deux affaires. Là. Premièrement, j'ai deux tweets de journalistes. Fait que Jeff, je pense que tu peux préparer ton doigt de call-out. Bon, premièrement, on va caller out Mathias Brunet pour un de ses tweets. T'as peu. Quand on a su que les Bruins avaient été éliminés des playoffs, il y a Mathias Brunet qui a tweeté ceci. Vous n'aimez pas les Bruins, mais ils méritent notre respect pour leur succès des dernières années. Un peu de compassion pour leurs fans. On s'en calisse. Mathias Brunet, femme donc ta calisse de gueule. Hey, la compassion. Pourquoi on aurait de la compassion pour les fans parce qu'ils ont été éliminés? Tabarnak! On sent, hey, on sent quoi? C'est une game de hockey, man, fuck off, non, c'est ça, eux autres, hey, qui auraient-tu de la compassion pour nous? Vraiment pas, là. Non, ils n'auraient pas. Quand on venait, nous autres, aussi, un gars qui faisait comme un board, aussi, avec la face de Subban dessus, puis il se lapait des pucks sur le board, là, tu sais, là. Puis ouais, qui faisait des calls racistes sur Subban l'année passée, puis l'autre Shara qui a failli tuer. Ouais, mais c'est même pas. C'est même pas ça, man. Mais c'est moi aussi, c'est comme... Parce c'est que même pas lui, les calls lui... racistes. C'est même pas les quelques fans qui ont fait des calls racistes. C'est même pas genre le gars qui a shooté des pucks en face de Subban. C'est même pas ça. C'est... Ils ont pas fait les séries. On rit. On s'en crisse. Pourquoi on a fait la compassion pour leurs fans? Ah, soyez tristes pour leurs fans. Non! Parce qu'il y a dû en avoir une couple qui ont fait des jokes. Là, des mais oui, mais le monde disait comme, Asti, bravo, Boston, vous n'êtes pas dans les playoffs, mais faites pour vous autres. Oh, vous êtes durs. Ayez donc un peu de compassion pour leurs fans. Fuck off, Asti, ils ont gagné une coupe dans les années. Ils méritent de se faire sortir. Puis c'est ça, regarde. Qui mangent la crise de merde, les joueurs. Leur incompétence les amènerait tous qui sont là. Je veux dire, OK, là, l'équipe, t'as le droit d'être déçu, là, mais les fans, on s'en calisse tellement. C'est quoi le rapport des fans là-dedans? Ça n'a pas rapport. Alors, ça n'a pas rapport. C'est un commentaire. Comme dirait Alex, c'est manger mon pain partagé. Ouais, mange mon pain partagé. Partage-le en... Mange mon pain. Miette-les, man. Mention d'arabe à nos oiseaux, man. À ta photo. Ah oui! Mention d'arabe à la photo de Matt Stone avec le pain. Mange mon pain, Matt Stone, là, que Jeff a tweeté directement au compte des sénateurs. Ils m'ont pas bloqué. Non? Non. J'avais été le gars des ressources, pas des ressources, mais des ministres sociaux là-bas, je t'aurais probablement bloqué. Ils m'ont pas bloqué. Il a même pas compris ce qui était marqué. Ouais, sûrement qu'il... Ben pourtant, à Ottawa, ça parle français. Ben oui, mais Chris, le commentaire. On a entendu ça par le commentateur. Mon soeur, là. Ouais. Lui, il a juste vu comme quelqu'un qui boit d'un pain. Il a dit comme, hey, okay, il n'y a pas rapport. Ça parle français. Il connaît trois mots. Accueillir les sénateurs. C'est ça qu'il connaît, là. Puis, deuxième tweet de journaliste. Maintenant, j'aimerais call out François Gagnon. Non, je ne mettrai pas le doigt à JF, ça n'a pas besoin. Alors, voici, ça a été tweeté après l'incident de, pas de Price, mais de Subban avec Stone, après le coup de hache. Gagnon a tweeté ceci. « Ce qui me rend fou avec l'incident Subban-Stone est que les discours seraient simplement inversés si les rôles l'étaient aussi. CH, Sens, pas de hashtag Simonac. » Monsieur Gagnon, avez-vous oublié l'incident Griba de 2013? C'est tout ce que j'ai à dire. Mon point est fait. Drop the mic. C'était, bravo. Chris, là, il est-tu épais, lui, là? Ah, oh, yeah, oh, s'il avait fait ça aux Canadiens, vous auriez chialé. Ils ont fait ça aux Canadiens en 2013, c'est un coup d'en face d'Emeline. Il a raison. Oui. Parce que oui, on aurait chialé. En face d'Heller, tu veux dire. Ah, Heller, ouais, excuse-moi. Oui, on aurait chialé. Mais je veux dire, je chiale sur Subban, pareil, pour avoir fait ça. C'est un move de cave, mais tu sais. C'est un move de cave, mais Chris, c'est les séries, c'est de l'émotion, ça va arriver. Ça fait mal. Ça pince, ça, c'est-tu, puis des fois, Chris... Ça donne mais lui, ce qu'il dit pas, par exemple, ce qu'il dit pas, c'est que Stone n'en a pas mis, hein? Ben non! Non! Stone n'a pas beurré un peu épais? Ben non! Hey, micro-fracture, il y en a 12, c'est-tu, puis chaque petit os de son poignet est fracturé. Ah, mais tu sais, David, il ne faut pas banaliser un coup de bâton sur le bras, quand même. Il faut voir que... écoute, Martin, il ne faut pas banaliser. Je ne banalise pas la chose. Je fais juste relater les faits. Fait que pendant qu'on baille tous puis qu'on arrête s'endormir, le podcast est fini. Il reste la question du public puis on en a une qui a été posée par deux personnes différentes qui a été posée par Jerry Godbout. On s'entend qu'on est populaire dans le temps des séries. Oui, c'est là qu'on est, on est à notre top en ce moment. Surtout à cette heure-là. Ouais, à minuit et demi, un samedi, entre vendredi et samedi. Là. Fait que Jerry Godbout sur Facebook puis Matt Labonté sur Twitter veulent savoir quelle équipe nous impressionne le plus en série jusqu'à présent? Alors moi, les Jets de Winnipeg... Moi, c'est le Canadien, moi, c'est vraiment... Il m'impressionne énormément. Moi, Calgary. Moi, je dirais Calgary, moi aussi. C'était mon choix. Ouais. Ouais, Calgary. Ben là, tout le monde dit bravo, Calgary. Bartley. Bel job. Ben, c'est parce que c'est... Ah, ben, ben d'abord, OK, je vais donner l'autre, là, que je trouverais. Dans l'Est, je dirais les Wings. Les Wings, je pensais pas qu'elle allait sortir de même contre... Parce que sinon, j'aurais dit Calgary aussi. Là. Mais admettons, dans l'Ouest, oui, Calgary, elle se tire sorte full pin. Ben, si on dit dans l'Ouest, Calgary. Si on dit dans l'Est, je suis d'accord, Détroit. Ouais, Détroit, je pense. En espérant qu'ils vont remonter un peu la défaite qu'ils ont eu la dernière fois, parce que c'était rough. Là, ouais, ça sont fait. Ça finit comment? 3-2. Ça finit 3-2 en prolongation. Ils étaient 2-0. Ouais, ça sont fait jouer bien. Si sortent le Lightning, je capote. Surtout si on gagne contre Ottawa. Ah oui, on affronte les Wings, ça va être écœurant. Ah, c'est sûr qu'on gagne. Excusez-moi. C'est sûr que ça peut faire des podcasts, ça brosse à minuit et demi après une game de hockey. On est tous brûlés, puis je pense que ça va faire. C'est Bélette, le gars avec la casse. Quel? Ils ont tous des casses. Non, il y a une casquette de français, là, vraiment lettre aplatie, là. Fait que sur ça, je pense que ça fait le tour de l'épisode 13 de la soirée du podcast. Ben, on espère que le prochain dans deux semaines ne sera pas le post-mortem. On sait pas encore ce qui va se passer à ce stade. On espère avoir encore du très beau hockey. On espère se rendre encore plus loin dans le printemps avec faire honneur. Oui, renouveler nos vœux. Mais là, elle fait quoi là, madame la veuve de Béliveau, là, elle a pas parlé à Souban pour lui dire wake up, call. Mais là, je pense que ça y est rentré dans l'oreille, ça a sorti par l'autre. Ah, c'est cool, Asti. D'après moi, là, Asti, là, à soir, là, il s'est fait un pisseté. Fait que les gars, il votre. Il s'est fait quoi? Il pousseté? Il pousseté. Calva. Ok, ben. Votre prédiction pour le prochain match, le match numéro 6, même si ça n'a même plus rapport dans deux jours. Hein. Ben, le Canadien finit ça. Canadien gagne 4-1. Le Canadien finit ça. 4-1, c'est élevé un peu. Moi, Là, il faut vraiment. Le Powerplay va débloquer. Vous avez fait chier pendant deux games de temps. Là. Regarde, il y a du payback time, motherfuckers. Là, on gagne. Ouais, ben, it's payback time, motherfuckers. Moi, c'est quoi? J'ai Ottawa en 7. Oh! Oh, Martin! Le pire, c'est que c'est pas ça qu'il disait tantôt. Il fait juste vous faire parler. Non, je fais parler sérieusement. Non, il me fait assez chier à soir, man. J'ai envie de dire Ottawa en 7 parce que vous jouez comme des hosties de pédale. Ils ont joué comme des cabochons à soir encore. Là. C'est sûr, hostie qu'Ottawa va vous planter en 7. Puis là, on va être la cinquième fois dans l'histoire que. Fait que Chris, wake up, hostie, man. Si le Canadien passe à l'histoire dans ce sens-là, c'est pas bon. Ça, c'est, non, c'est ça. C'est une tache noire assis dans le dossier de Bergevin. Puis c'est un trou noir, Asti. Sérieusement, là, je pense que là, c'est le temps de le dire. Là. Alors, troussez-vous et mange. Ça serait pas assez, Chris. Ah oh, non, si ça, ça arrive. Enlevez vos jupes, tabarnak. Je crie, je fais un os. Là, le gars, je dis ici, maintenant, à soir, c'est fini l'hostie de niaisage. Chris, la prochaine, ta gang, t'as pas le choix, t'es élimines, c'est fini, là. Yeah, ils ont besoin d'un break, toi, t'as besoin d'un petit repos. C'est pas compliqué. Un petit lac à l'épaule. Mettez vos culottes brunes, c'est le temps d'aller à l'ouvrage. Comment? Dave, il est comme... Mettez vos culottes brunes. Ouais, Canadien gagne dimanche, puis s'il gagne pas dimanche, Canadien perd en 7, j'ai l'impression. On la gagne ou on perd la série. C'est mais parce qu'ils me font tellement chier à soir, Rusty. Ouais, on est primé, là, ben. Ok, non, sérieusement, là. Prochaine game, tu capes ça, c'est fini. Joue-toi, donne-toi. Tu seras agressif. Les gars sont orgueilleux, là. Je pense qu'ils vont venir. Ils ont pas le choix. Message aux Canadiens. Marquez le premier but sacrément. Faut que ça sorte fort. Tu marques le premier but, la première mise en échec, le premier sur le puck, le premier sur tout. Ils ont pas le choix. Puis aussi, le premier joueur a enlevé un patin pour frapper un adversaire. Non, mais là, je suis bien sérieux. Là, on va se dire, pas vrai. Ils ont pas le choix. Ils ont pas le choix. Ils ont pas le choix. C'est ça, on va pas se mortel. Ils ont pas le choix. Ouais. Non, mais pour vrai, là, la prochaine game, ils ont vraiment pas. Ils ont pas le choix. Pas le choix. Mais. Ouais, moi j'ai mis les yeux. Bon, ok, on cote ça. Regarde, on va fermer ça. Je leur dis encore. Là, on va serrer ça le laptop. Ça parce que là, si on continue le podcast, là. C'était un suicide. C'est pas compliqué. Faut que les sénateurs battent le Canadien 4 fois en ligne. Puis ça, man, j'ai de la misère avec ça. Ben, c'est ça. Ils ont déjà battu là, 2 fois. Là. Ben c'est ça, il reste 2 autres fois. Ouais, mais là chaque game après ça, c'est une game individuelle. Tu sais, t'en gagnes une, l'autre game d'après, c'est un autre game, puis l'autre, c'est un autre game, puis tu t'oublies les deux autres que t'as gagné. Merci pour cette explication des playoffs, Martin. C'est clair, ton appart. Non, mais tu sais, non, mais eux autres, là, pour eux autres. Je pensais qu'ils en jouaient 2-1. Non, mais la prochaine game qu'ils vont jouer. On joue 2 games, on fait 6 périodes. Non, mais Dave, ce que je veux dire par là, c'est que la prochaine game, ils penseront pas au record. Chris, c'est inatteignable de battre quelqu'un en 4 games. Ils vont dire, on repart une nouvelle game. Ils pensent pas à ça. Même stratégie. Ils pensent pas à game en arrière, pas à ça. Une game à la fois. Non, mais je dis pas ça. Une seconde à la fois, un centimètre à la fois. Je dis que battre une équipe. L'équipe 4 fois back-à-back, c'est quand même de la job. T'es arrivé 4 fois. Ça n'a pas rapport avec un record ou pas. Il n'y a pas de record de ils ont battu 4 fois. Ben, c'est tough quand même à faire. Ça serait un record pour Montréal. Hein? Un mauvais record pour Montréal. Ça serait la première fois dans l'histoire du Canadien de Montréal que ça arriverait. Puis je pense pas que ça serait une fierté de vivre. Je pense pas que Price a le goût que ça. Là, ça se peut qu'on sorte sa scène 4 parce que pour d'autres raisons, sans chaise de soleil. Là, moi, je me tiens pas du HMV. Ouais, moi aussi avec un sac de hockey. Ah, Vous aurez été averti, la SPVM. Un masque. Tu sais, un masque de cheval, là. Une tête de cheval. Une tête de cheval. Bonne idée, ça, Mark. Fait que ça fait le tour de l'épisode 13 de la soirée du podcast. Alors, on se revoit dans deux semaines, tout le monde, pour soit le post-mortem ou l'épisode 14 de la soirée du podcast. À la prochaine, tout le monde!